Donc nous, là-bas, ce qu'on fait, on vide les greniers, hein, on vide ce dont vous n'avez plus besoin, quoi, on va dire. Ouais. Et voilà, quoi. Alors, j'ai beaucoup de... On a pas mal de choses, on a des objets, un petit peu des objets phalliques. Vous savez ce que c'est ou pas des objets phalliques? Non, je vois pas. On a pas mal d'objets, alors j'ai vu que vous étiez spécialisé dans le bois, ben justement, c'est le cas de le dire, on a pas mal de mal. Alors, Elodie, on a quoi comme matos? On en a combien, plus ou moins, à donner? Une dizaine, alors on a dizaine de matériaux en bois, ça vous intéresse? Ouais, j'adore ça, c'est top. Mais vous êtes basé où, en fait? Nous, on est à Liège, hein, à côté de... Enfin, sur rien, quoi. À Liège, en Belgique? Ah, ben, écoutez, moi, je suis à Paris, j'ai vu ça sur Internet, je suis un peu étonné. À Paris? Oui. Ah, mais t'es fou, toi, t'es tombé sur ta tête ou quoi? Bah, écoutez, je vous paye le transport. On est Paris 16, je vous inquiète pas, je suis bien. Financièrement, on est tranquille. Donc, vous venez, et puis moi, je... Ah ouais, parce que là, ça va venir. Parce qu'à Paris, le temps que je prenne ma camionnette, il y a mon beau-frère, il y a quoi? Il y a 5-6 heures de route, hein. Je n'ai jamais été à Paris, hein. C'est vrai? Ah ben, on a un grand objet phallique aussi au milieu de Paris, ça vous intéresse. Mais bon, bref, on va passer les détails. Donc, vous pouvez venir demain? C'est urgent, c'est vraiment très urgent. Non, ça c'est pas possible, hein. Bah écoutez, ça, monsieur, 2000 euros le trajet, c'est bien. Combien tu donnes? 2000 euros le trajet. 2000 euros. Non. Bah si, ah bah si. Ah, t'es sérieux? Ouais. Bah oui, 2000 euros, ça vous va? Ouais, 2000 euros, ça. Très bien. Et justement, la question de ma femme, c'est est-ce que vous prenez les godes en bois? Pardon? Est-ce que vous prenez les godes en bois? Godes en bois? Oui, tout à fait. Et gros fils de pute, ils sont pas commandés encore, hein! Mais t'as pété, t'as dit combien? Mais bah, c'est un business, c'est temps! Alors combien il y en a 10, il y a 10 godes en bois! Mais gros, je t'emmerde! Elodie! Qui me fait l'armée, les gars, sur le tartine, hein, c'est des gosses, hein! Ramène les autres godes! Ramène les autres godes en bois, ça, il est intéressé! Il dit qu'il est intéressé! Tu fais chier, Patrick! Tu fais couille! La vérité! Tu fais chier, t'es obligé de gueuler comme un bâti! Non, mais c'est pas grave! Allez, on a. Fils de pute! Bah, reste calme! Bah, je suis à Paris là pour l'instant! À rue Bayard, voilà! Ah, il a raccroché! Oh là là! Et c'est les gars, on l'appelle souvent! C'est le mot déclencheur, quoi! God en bois, ouais. Le son ne fait qu'un tour, quoi! Ouais, non, mais je te dis pas parce que le gars, on l'a fait tourner pendant très longtemps! Voit. Je te fais un gros bisou, Elodie, merci à toi! Désolé, on n'a pas réussi merci à le vendre! À vous. Écoute, tente sur internet, on ne sait jamais, ça pourrait passer! Garde restaurant en tête, je vais prendre. Dis-moi, tu préfères ton copain ou le god en bois? Enfin, le god. choisir mon copain, quand même. Ah bon, eh ben, c'est sûr. Et je te fais un gros bisou, Elodie, quand tu veux. Hein. Merci, salut. Gros bisous à vous. Voilà, et on est en dernière ligne droite, les amis. On va se brancher avec Marion et Anso, ah, le Night là, Show. Elles sont là. Salut les filles. Salut. Vous êtes là? Oui, on est là. Ah, ouais, et les filles, j'ai mal au cœur, je suis désolé. C'est la première, il est 22h. 1h30, je suis désolé, vous êtes à la bourre. Il n'y a pas de problème, mec. Tu sais que du coup, comme tu connais pas les coutumes chez nous, il va falloir que tu te mettes cul nu. Ok. Attention, il arrive. Faites gaffe, regardez, ça y est. Il vous montre. Ok, bah joli cul. Bah finalement, en fait, tu peux garder ton fut, mec. Alors, ça a pris beaucoup de place sur la vitre. Tu peux garder ton fut, elles sont pas cool quand même. Finalement, tu peux garder ton fut. Ah non, mais les filles, j'ai presque vous avez profité pour faire le snap et tout. Non, on a pas eu le temps. Ouais, il y avait une question. Du coup, on était en direct en Belgique aussi ce soir. Disons que. Pas vraiment, oui et non. C'est-à-dire que vous continuez. Vous continuez pour la France. Nous, de temps en temps, on va ce soir, de 20 à 22, on était en direct en Belgique. Voilà, exactement. Et moi, quant à moi, vous continuez pour la France. Et moi, quant à moi, je vais reprendre pour la Belgique jusqu'à 23h. Ça marche. Et après, c'est Mike Open Space, c'est ça? Exactement, tout à fait. On lui fait un bisou. Et voilà. On embrasse aussi Karel, à qui on pense très fort. Ouais, belle famille. Et merci à vous. Merci l'équipe du Love in Fun. Merci le doc, on a kiffé. Oui. On était bien. Merci d'avoir. Oui. Merci. Je vous fais plein de bisous, merci tout le monde, merci toute l'équipe. Salut. Bisous Marion Enso, bisous, bonne émission, bisous, ciao. Bisous. Ciao. Oh non, pourquoi j'ai souri? Il va remarquer l'écart d'un mètre entre mes dents de devant. J'adore son sourire. En plus, avec l'écart entre ses dents, je vais pouvoir ranger mon vélo. Anso, arrête de te resservir. Ça fait déjà la deuxième bouteille. Oh, il va vraiment me prendre pour une alcoolo. Oh mon Dieu, mais quelle descente! Ça me rappelle mes vacances au ski. Si vous n'aimez pas le Night Show, quelqu'un l'aimera pour vous. Rencontrez-nous de 22h à minuit, du dimanche au jeudi, sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Marion et Anso. Et Anso. Le Night Show. Le Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir à la France. Ouais. Excusez-moi, il y a Chewbacca qui a crié à côté de moi. Recrie tout seul, s'il te plaît. Non, c'est Joey Star, mec. Ouais, bonsoir à tous et bienvenue, c'est Marion et Anso. Là, comme chaque soir, on est avec vous en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi. Welcome. De 22h à minuit. On est hyper content de vous retrouver. Je vous cache pas que toute l'équipe est aujourd'hui un petit peu sur les nerfs. Oui. On a fait du sport avec des auditeurs cet après-midi. Ah, c'était cool. Génial. Et du coup, on a les muscles qui nous lâchent hein, petit à petit. Ouais, c'est vrai qu'on s'est fait le match du Night Show pour fêter l'Euro qui approche là. C'est jeudi, je crois, le premier match. Du coup, on s'est dit bim, Team Marion, Team Anso, une dizaine d'auditeurs. On va sur un terrain et puis on se fait kiffer. Je vous dis pas qui a gagné parce qu'il y a une vidéo qui arrive et elle devrait être pas mal. On a fait les choses bien en grand. Et d'accord. Meuf, en tout cas. Je vous dis pas qui a gagné, mais ça a l'air d'être une femme qui a beaucoup de classe. Voilà, et une femme qui a des soucis avec ses cheveux. Hein? Tu l'as cherché, celle-là, connasse. Va. Bon, ce soir, grosse émission puisque notre invité, on vous l'a annoncé hier, c'est Soprano et on est content. Non, le job s'habille plus en Prada. Ça, c'est le nouveau titre qu'on vous diffusera en entier tout à l'heure. Sopra, c'est un amour, on l'adore. À chaque fois, il joue le jeu, il est hyper cool, il répond à toutes les questions. Donc si vous en avez, 01 42 48 5000, c'est le moment. Et puis on se fera un truc qu'on avait fait début de saison, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. C'est le moment bitchy du Night Show. Ouais. Je vous explique, vous nous appelez sur le même numéro gratuit, 01 42 48 5000, et vous venez bitcher. Vous dites ce que vous voulez, il y a un truc qui vous agace, vous avez envie de critiquer comme ça gratos, c'est le moment, sur la télé, sur une série, sur un morceau, même un morceau Fun Radio, nous on s'en fout, il y a pas de tabou. Vous venez bitcher. Ça peut aussi être sur une personnalité, un membre de cette équipe, je sais pas, la grève, un ministre, n'importe quoi. On est open, quoi. Ça va être chiant, quoi. Bah, je pense à Mano, quoi. Et puis ce soir, on va écouter du son aussi, le David Guetta avec Zara Larsson. Ah bah. En ce moment, on est foot. Hein. Et en parlant justement de David Guetta, vous savez qu'avec l'UEFA, il vous invite au match d'ouverture de l'Euro. C'est quand même un truc énorme à vivre. Avec Guetta, vous le rencontrez et tout, quoi. C'est ouf. Et vous pouvez le gagner en tweetant simplement avec le hashtag Bruno Fun Radio. Voilà. C'est énorme ce cadeau quand même. Tu rencontres Guetta, quoi. J'adore. Oh la chance. Et les résultats, ce sera vendredi chez Bruno dans la radio. D'accord, bonsoir Amir des réseaux sociaux. Salut Marion, salut Anso. Ça va, il a joué un peu au foot aussi tout à l'heure. Il avait pas les bonnes chaussures Amir, mais il a pas marqué, mais il s'en est bien sorti. Moi, vous savez, je suis pas un pro en foot, mais en tout cas, je me suis éclaté avec les auditeurs parce que franchement, les auditeurs du Night Show, Champions League. Et puis j'ai surtout beaucoup rigolé avec vous aussi les filles. C'est cool. C'est vrai que nous voir avec un ballon. Surtout en tenue, en tout tenue sport, ça. Coucou, hein. Et toute, toute transpirante, quoi. Parce qu'on s'est vraiment donné. Ouais. Et juste, Amir, il y a un auditeur qui est venu nous voir. Il est à côté de toi ce soir. On peut lui faire un petit coucou quand même. Bien sûr. C'est Gabriel. Coucou. Bonsoir. Ça va, Bichon? Ouais. Alors, t'as kiffé ou pas? Ouais, beaucoup. T'étais dans ma team, toi? Ouais. On s'est donné, hein. Je vais pas dire qui est-ce qui a gagné, mais. Mais donne un indice. Je sais qu'on a bien joué. Ouais. Et l'essentiel, c'est de participer, c'est exactement ça. Bon, merci d'être là, tu vas kiffer avec Soprano, tu vas voir. Eh les amis, ouais. Je vais vous dire un truc sur Facebook, on est plus de 80 000, ça y est, bim, ça y est. Ah, ça c'est lourd. Merci les chéris, merci beaucoup. Marion et Anso, c'est la page Facebook si vous voulez aller voir, on vous met des photos, des vidéos, plein de trucs, c'est sympa. 20 600 sur le compte Twitter, pardon Marion, je t'ai coupé. Et je suis hyper content ce soir, parce que ça fait longtemps qu'on a pas reçu Soprano. Mais vraiment, hein, depuis ce matin... Et je suis comme un dingue. Ouais, moi aussi, j'avoue que je le vis bien. Du coup, j'ai réécouté son album tout à l'heure. Et il y a le prochain qui sort là, je crois que c'est à l'automne 2016. Ouais. J'ai hâte parce qu'à chaque fois qu'il sort un album, c'est juste une machine à tube en fait. C'est exactement ça. Bonsoir Mano à la Réa. Bonsoir. Salut. Ça va? Je suis un peu deg parce que j'ai pas pu être avec vous malheureusement alors que je suis en foot. Vraiment, je surclasse tout le monde quoi. Alors Mano en foot, à mon avis, ça doit être une catastrophe. Allez, j'enchaîne les buts et hop hop. Et que je te dribble. Et t'étais chez le dentiste, toi, ouais, c'est ça? J'étais chez le dentiste. Ouais. Deux, trois caries, comment ça se passe? Eh ben non, écoute, tout va bien. Ça faisait 3 ans, je me suis dit oh là là, mais. D'accord. Il faut absolument motiver parce qu'Anso doit y aller aussi. Ouais. Et ouais. Elle arrive pas à franchir le cap. Ouais. Non, mais moi j'ai la phobie. C'est la seule phobie que j'ai dans ma vie. Mais vraiment, quand je suis dans la salle d'attente d'un dentiste, je pleure sans vanne. Ouais, mais tu sais, le dentiste c'est juste désagréable, ça fait pas. Ah non. Si. C'est une vraie phobie. J'ai peut-être une solution pour toi. Quoi? Si je te trouve un dentiste qui te plaît. Ah mais non mec, à quel moment tu dragues un dentiste qui voit ta bouche quoi? Amir le chanteur il est dentiste. Bah oui, mais il est plus maintenant. Ouais, déjà. Et puis je vais pas draguer un gars. Bah si. Arrête. Ce bruit. Il a posté une photo de son diplôme là sur sur ses réseaux sociaux. Bon bah écoute, la prochaine fois qu'il vient dans l'émission, il me fera un petit détartrage. c'est pas gênant en plus pour draguer quoi. Bonsoir Enzo. Yo les filles. Alors Enzo, on le félicite quand même parce que c'est lui qui a organisé cette petite journée. Bravo. Ouais. Bien sympathique. Là. Grosse pression parce qu'il a tout géré et franchement c'était pas mal. Merci les filles, j'espère que la vidéo sera au top et qu'il n'y aura pas de loose dessus. Ouais. Il met la pression au graphiste depuis tout à l'heure, mon gars, j'ai jamais vu ça. En mode Enzo qui prend des décisions. Non mais s'il y a une loose, t'es viré. Hein. Bah non mec. C'est pas toi qui décide. Fais rire. Bon, c'est qui le premier auditeur de ce soir s'il te plaît? Alors c'est Quentin, il a 22 ans, il habite à Paris et voudrait vous proposer une opération. Ah d'accord. Bonsoir Quentin. Oui, salut les filles, salut Anto, salut Marion, salut Amir, salut tout le monde. Salut mon pote. Je sais que vous avez fait un foot pour l'Euro cet après-midi. Et moi je me suis dit, il y a l'Euro de foot, sauf qu'il y a la Coupe du Monde de tennis de table qui devrait pas tarder à arriver. Et un petit ping-pong, est-ce que ça vous tente? Alors, j'adore moi. Ah bah moi Quentin, ça m'arrange pas des masses. Alors moi je suis à fond parce que j'adore le ping-pong et franchement je suis plutôt douée. Donc si tu veux on s'organise ça, petite table dans les studios. Et puis voilà, petite partie au calme. Vraiment. En plus, suffit d'un petit filet sur une table et puis on est parti quoi. C'est vrai que maintenant tu trouves des kits qui sont hyper bien là sur internet. Que tu transformes tes bureaux en table de ping-pong. Mais vu qu'on transforme notre bureau en absolument tout. J'en ai à la maison, on m'a offert ça pour un anniversaire un jour. Ah bah c'est vraiment quelqu'un qui t'appréciait beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est un peu une angoisse comme cadeau ça. Ouais, merci Marion en tout cas. Et t'habites où Quentin? Ouais, j'habite à Paris. Et bah voilà, bah on s'organise ça, on va ramener le cadeau d'Amir. Et puis bah toi tu passes nous voir au studio et on se fera une petite vidéo avec toi. Bah mortel, quand vous voulez les filles. Ok, allez, on va au moins faire 2000 vues hein. Sur le ping-pong. On t'embrasse Quentin. Merci les filles, gros bisous. Bisous à toi. Bon, vous l'avez compris, dans un instant on va recevoir Soprano dans l'émission. Mais juste avant, on avait envie de refaire un concours de blagues qu'on avait déjà fait une fois dans l'émission. Oui. Mais on s'était tellement marré qu'on a décidé de le refaire. Donc appelez-nous la 01 42 48 5000 pour nous raconter vos meilleures vannes. Dans l'équipe, vous en avez aussi. Ouais. Alors je te dis pas qu'elles sont bonnes, mais on en a. Ouais, je crois que Marion en a des un peu crado. Oui. Restez là, on se retrouve juste après. Attention, allez, allez. Oh non, c'est pas vrai. Dimitri Vega, c'est Mike Mike. C'est parti. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes sur Fun Radio, il est 22h14, c'est Marion et Anso. Sopra débarque dans quelques minutes dans le Night Show. 01 ouais. 42 48 5000 pour les questions, les dédicaces, tout. Hein, si vous voulez lui passer un petit message, il est là pour ça. Ouais. Mais avant ça, petit concours de blagues. Ouais. C'est la troisième session qu'on se fait, je crois, dans le Night Show. C'est ça. On aime bien, vous venez nous raconter vos meilleures blagues à l'antenne. Et à la fin, le meilleur repart avec son pack fun, tout ce qui est cadeau géré par Amir qui n'était pas au courant. Vous en voulez une ou pas? Vas-y. Allez. Attention. Elle est un peu trash. Vas-y. Préparez-vous. Maman, maman, pourquoi tu gémis? Tais-toi et lèche. Oh, oh non. Manon. Oh, elle est bien ou pas? Non mais elle est horrible, elle est digne de pépère. Oui, t'as pas honte? Bah, j'en ai une autre si tu veux qui est un peu moins trash. Vas-y. Tu veux? Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Deux pattes et qui saigne? Mmh. Deux pattes et qui saigne. Deux pattes et qui saigne, je sais pas. Un demi-chien. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour moi. Allez. Et après ce sera tout pour moi. C'est deux lesbiennes vampires qui discutent. Allez, à dans 28 jours. Oh, mais c'est horrible. J'avoue. Bon, 01 42 48 5000. Ce qui va se faire, c'est que nous allons baïonner Marion immédiatement parce qu'elle nous les enchaîne. Venez nous raconter vos meilleures blagues là. On revient tout de suite sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à minuit. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Georges bien sûr et un Bruno Cheroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Fun Radio et la carte bancaire Bimix offrent jusqu'au 4 juillet un iPad à tous les nouveaux bacheliers. Inscrivez-vous gratuitement sur funradio.fr et rendez-vous le 5 juillet en direct sur Fun Radio pour connaître le nom des gagnants. Infos et règlements sur funradio.fr avec Bimix. Bimix. La seule carte bancaire avec un côté fun. Plus d'infos sur bimix.fr. B-E-M-I-X.fr. Hey, c'est Norman, j'adore Marion, j'adore Anso et j'adore le Night Show, c'est clair. Hashtag le Night Show, si vous avez des blagues, on peut aussi les lire sur les réseaux sociaux, ça nous fait marrer. On y va, des blagues drôles, courtes, dans le trash ou pas, on se fait marrer ce soir comme ça, demain, tout le monde aura une bonne blague dans les cours du lycée, partout quoi. Alors si vous êtes diabétique, moi j'en ai une pour vous, puisque je suis moi-même diabétique et j'en ai trouvé une. Allez, vas-y. Alors c'est une devinette, quels sont les risques pour un pitbull qui bouffe un bébé diabétique? Je sais pas. Bah des caries. Voilà, bonsoir. Pas mal. Moi j'en ai une mais elle est tellement trash, je la ferai plus tard. D'accord, bienvenue sur Radio Malsaine en tout cas. On a Claire de Paris qui est avec nous, bonsoir Claire. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut Claire. Ça va Claire? Ça va très bien et vous? Bah très bien, on t'écoute pour ta vanne. Alors je préviens, c'est des blagues de cul. Parfait. Ah bah d'accord, oh, bah, c'est bien, c'est un festival. Alors, quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? C'est salé, non, je sais pas. Le goût? Non, même pas. C'est quoi? Et ça a un rapport avec le goût. Aucune, les deux sont des amuse-gueules. C'est mignon. Ouais, ça passe. C'est pas mal. Et quelle est la vitesse maximale de l'amour? La vitesse maximale de l'amour? Je sais pas. Ça a l'air poétique comme non, ça. Ça doit être... Ouais, vas-y, dis-nous. C'est moins poétique à la fin. 68 km/h, parce que si on dépasse les 69, on risque un tête-à-queue. Ah, ah, ah, ah. Marion, elle a pas compris. Non. Si on dépasse les 69, tête à queue. Rapport à la position sexuelle. Ah ouais, ah. Référence sur la route quoi. Ouais. La tête à queue, la tête de poisson, tout c'est ça. C'est une blague de motard. Non, c'est une queue de poisson, c'est pas. Ah c'est ça, poisson. D'accord. Je me disais, il y avait un truc qui allait pas. Bon bah écoute Claire, on te remercie. Donc toi t'es plutôt branchée tout ce qui est chaudasse quoi. Ouais, j'aime bien, ça me fait rire. D'accord. Bon, on t'embrasse Claire, merci de nous avoir appelé, ma belle. Je vous embrasse, bisous les filles. Bisous à toi. Il y a Théo aussi de Nîmes qui est avec nous. Bonsoir Théo. Bonsoir Marion, salut Ento, ça va tout le monde? Oui, et toi? Bon, impeccable. Tranquille, vends-nous du rêve avec ta blague. Allez, vas-y. Elle est un peu longue, mais ça devrait aller. Donc en fait, c'est Michel et Olivier. Ils sont perdus dans le désert, ça fait déjà 2 jours, ils n'ont pas mangé et tout ça. Et là, tout d'un coup, ils aperçoivent une mosquée. Du coup, il y a Olivier, il sort à Michel, il lui dit « Putain, on est sauvés !» Michel, il dit « Non, non, non, on n'est pas sauvés, non !» Qui dit mosquée, dit musulman, ils nous accepteront pas et tout et tout. Il faut juste... Et du coup, Michel, il dit « Faut juste faire semblant d'être musulman. » Donc Michel dit « Je vais m'appeler Mohamed. » Et toi ? Olivier, il lui répond « Non, non, moi je continue, je me reste Olivier et tout ça. » Du coup, ils arrivent dans la mosquée et tout. Attends, et là, Théo, je te coupe 2 secondes. Il y a rien de. On n'est pas sur une vanne. Non, du tout. Non, non, du tout. Si, si, c'est vraiment une vanne. C'est pas, il y a pas de, il y a pas de. D'accord. Ok. Donc du tout. Il garde le prénom. Ok. Donc du coup, Olivier garde son prénom. Michel s'appelle Mohamed. Ils arrivent à la mosquée. Un homme les accueille et leur dit, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air affamé, tout ça. Et là, il dit, bonjour. Moi, enchanté. C'est Mohamed avec mon ami Olivier. Donc là, il dit, bon, venez avec moi. Je vais vous donner à manger et tout c'est ça. Bon. Donc du coup Olivier reçoit un grand plat, il mange et Mohamed il dit, bah, et moi. Et là il dit bah allons Mohamed, t'as oublié, c'est le Ramadan. J'ai rien compris. Moi non plus. Mais non mais tout ça pour ça quoi. Alors j'ai pas compris parce que c'était un peu long en fait. Ouais, mais cela dit ça nous donne l'occasion de souhaiter un bon Ramadan à tous ceux qui sont en plein dedans. Bon courage à vous. Big up à vous quoi. Ouais, ça ils ont mangé depuis 21h58. Et bon courage à tous ceux qui se prennent des vents aussi quand ils racontent des vannes. Ouais, parce là, que ça peut arriver quoi. C'était là-dedans. Tellement long, j'ai failli t'envoyer une alerte chiant. Je me suis retenu. Et voilà, c'est le vent glacial qui est parti tout seul quoi. Ah oh, météo bien. C'était bien tenté en tout cas. Bah écoute, ne t'inquiète pas. On t'embrasse. Bisous Michel. Enzo, tu le reprendras au standard, tu diras qu'on l'aime quand même. Bah oui. Il y a Amy à Poitiers qui est avec nous. Bonsoir Amy. Salut tout le monde. Ça va Amy? Ouais, super, et vous? Ouais, t'as une blague drôle? Elle n'est pas drôle, elle est nulle, mais en fait c'est pour ça qu'elle me fait marrer. Vas-y. Alors en fait c'est un mec qui rentre dans un bar et il fait coucou c'est moi. Mais en fait, bah c'était pas lui. Ouais, non, mais non. C'est pas possible, non, ça, hein, Amy. Ils étaient vraiment dans la merde, au standard. Non, mais attends, Amy, elle a fait exprès. Vous avez bien vu qu'elle a pris un ton de nana qui s'auto-moque d'elle. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Et ça a fait rire Anso. En revanche, Amy, on la gardera pas quand même, hein. Évite de la raconter, tu vois. Parce que ouais, là, tu passes. On te reconnaîtra pas demain, mais. Anso? Oui, chérie. Merci d'avoir ri, merci de me soutenir, je t'aime. Je t'en prie, mais tu sais que moi, j'ai le rire facile aussi. Donc, c'est peut-être pas un gage de qualité à chaque fois. C'est ça. On t'embrasse, ma belle. Salut. Bisous. Bisous. Il y a Nico aussi avec Aix-en-Provence. Bonsoir Nico. Salut Marion, salut Enzo, salut Nikita. Ouais salut. Nico, on compte sur toi pour relever le niveau. On veut de la bonne blague. Ouais. Enfin. Alors en fait, moi c'est un enfant qui joue au train électrique qu'on lui a offert pour son anniversaire. Donc du coup il fait tchou, garde mon collier, garde PD. Après sa mère lui dit bon ben arrête de dire des gros mots. Tchou, garde Lyon, garde con. Sa mère lui fait la prochaine fois je te prends le train. Il fait tchou, garde du Var, garde des connards. Là, sa mère, elle est fatiguée, elle le punit, elle lui met une baffle et elle lui prend le train. Ouais. De 3 heures après, elle se dit bon, ben c'est bon, j'ai mis une claque, elle lui redonne le train. Et il fait par contre, tu dis plus d'insultes. Il fait tchou, garde mon panasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. C'est mignon. Ça ah, si, je la prends, franchement, ouais, je la prends. C'est pas mal. Amir, il la prend pas par non. contre. Non, mais Amir, il aime pas les vannes comme ça bien construites. Tu vois, il aime les trucs plus faciles, Amir. Ouais, tu veux dire les... Ouais, moi je veux des vannes rapides. Moi c'est phrase, chute, vanne, rigole. Ah. Je te la prends, Nico, moi. Trop long ça, putain. On t'embrasse, bah, oui, Nico. Voilà. Allez, gros bisous. Bisous. J'en ai une courte et efficace pour toi, d'accord? C'est un petit frère qui demande à sa maman: Maman, je veux plus dormir avec mon petit frère. Tais-toi, je t'ai déjà dit qu'on avait pas assez d'argent pour l'enterrer. Oh, bah non. Mais c'est horrible. Mais c'est une en blague. Fait, c'est ça. En fait, toi, t'es révélé par ce truc. C'est-à-dire que toutes les blagues que tu dis sont soit trash, soit absolument immondes, et c'est ça qui te fait rire. Mais ça va, c'est de l'absurde. C'est pour, je sais pas moi. Elle a vraiment pas de cœur. Nous sommes avec Victor Blaise au 01 42 48 5000. Bah, je crois que c'est ça la vanne. Hey, Vicharu, vous êtes breton. Quoi? Alors non, on n'est pas bretons là, mais... Non, j'ai dit oh yo, les bretons, le breton plutôt. Ah, salut le breton. Salut ouais. Antoine. Alors Victor Blaise. Ouais, bah, c'est mon prénom et mon nom, tu vois, mais je savais que je le dise, ça me fait marrer. Alès Blaise, que je dis Victor Blaise, Alès Blaise. En tout cas, j'ai bien hâte d'écouter ta vanne parce que je sens qu'on va se marrer. Ouais, vas-y. Mais j'en ai deux en fait, j'ai une courte et une pas mal. Alors du coup, c'est quel point commun entre un livreur pizza et un gynico? Ah si, je sais. Elle est connue. Vas-y, redis. Je connais pas. Quel point commun entre un gynico et un livreur pizza? Ouais, c'est quoi? Bah, tu peux sentir, mais ils peuvent sentir, mais ils peuvent pas bouffer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah merde, bon, mais elle est bien. La deuxième, elle est plus marrante. Alors, c'est un petit, il arrive, bah, il demande à son père le matin, papa, ça veut dire quoi, camarade, je suis ton camarade. Ah ouais, d'accord. Et le lendemain, il regarde le journal quand son père regardait, papa, qu'est-ce que ça veut dire gouverner, c'est ta mère qui gouverne la maison. Alors, le lendemain encore, il demande « Papa, ça veut dire quoi, l'avenir ?»« L'avenir, c'est ta sœur, l'avenir. » Ah bon, ok. Puis le soir, il y a la petite qui a, bah, sa petite sœur qui est dans sa chambre, qui a chié dans la couche. Il arrive en courant dans la chambre. « Camarade, réveille le gouverneur, l'avenir est dans la merde. » Ouais, alors, c'est une blague philosophique, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant. Mais vas-y, mais pas le vent, là. Tu t'es pris pour qui, là? Victor Blaise, il se laisse pas faire. Moi, je l'adore, Victor, je l'adore. Bah ouais, carrément, rappelez-moi. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais moyen de vous faire marrer, rappelez-moi des fois, mais quand vous voulez. Bah écoute, y a pas de soucis, mais tu nous rappelles quand tu veux, Victor, et tu repasses quand tu veux, surtout. Mais j'appelle v'là les fois, j'ai jamais été pris, c'est la première fois, du coup. Peut-être des raisons. Quel enfoiré. Bon, bah, c'est merde, bah, bonne soirée, tu vois, les gens, et puis, bah, ouais, bisous. Bah, on t'embrasse, mon chat, bisous. Moi, j'adore. Bon, les bichons, on va se faire le vrai faux du soir sur les vannes qui ont mal tourné. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, alors je suis dans les starting blocks. Le vrai faux du Night Show. Eh ouais. Au Japon, un homme était planqué dans un buisson pour faire peur aux passants. Un passant par peur a mis une droite à l'homme planqué. Vrai ou faux? Vrai, oui, c'est possible. Oui, vrai, c'est passé à la télé et tout, ça l'histoire. Normal, un réflexe. Aux États-Unis, un homme a piégé sa femme en lui faisant croire qu'il la trompait. Sa femme a avoué l'avoir trompé aussi, du coup, par vengeance. Oui, vrai. C'est possible aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Du coup, ils se sont séparés, cette histoire. C'est horrible. Ça, c'est chaud. Au Brésil, pendant un saut en parachute, un moniteur a voulu faire une blague en rendant HS le parachute d'une fille pour la récupérer en vol. Il n'a jamais réussi. Non, vrai. Mais t'es content. N'importe quoi, la prise de risque suprême. C'est horrible. En Russie, un homme a capturé un de ses amis dans le coffre d'une voiture pour lui faire peur. Un automobiliste s'est arrêté et lui a fracassé la tête avant qu'il puisse se dire que c'était une vanne. Oui, je pense que c'est vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Ouais, t'imagines Russie, les risques. Mais c'est terrible de faire ça. Mais c'est vrai que les Russes, ils font des caméras cachées violentes, quoi. Nos limites. Aux États-Unis, un homme a fait peur à sa femme au moment où elle rentrait chez elle. Prise de panique, elle a couru jusque dans la rue et s'est faite renverser par une voiture. Non. Si, elle a une fracture de la hanche, la pauvre. Mais ça, c'est les États-Unis. Ils ont tellement pas de limites, ils peuvent tout faire que du coup, voilà, il y a des drames qui arrivent. Bah oui, il faut pas venir se plaindre. En France, un homme a voulu faire une blague à un enfant en lui collant deux bâches de piscine au-dessus des yeux. Depuis, il ne s'en est jamais remis. Amir, raconte-nous. Amir, nous avons besoin de ton témoignage. Des bâches de piscine. Tellement too much. C'est pire en pire. C'est beaucoup trop grand, des bâches de piscine en plus. Par contre, moi j'en ai une et c'est vrai, il y avait, je crois que c'était en Russie aussi, c'est un petit mec, en fait, il est rentré dans une grosse boîte aux lettres et dès que les mecs ils mettaient leur courrier dedans, ils reprenaient les courriers et ils rejetaient. Oui. C'est en vidéo. Hein. Et sauf qu'il y a un mec, ça l'a fait chier, il a pris un gun et il a tiré dans la boîte aux lettres. Et il l'a tué. Mais c'est horrible comme histoire. Il est mort. Mais tu sais que on fait une émission de divertissement et on est plutôt feel good. Mais Amir, pourquoi tu racontes? Pourquoi? Parce que moi, tout s'est bien fini. Bah oui, c'est ça. On était sur une fracture de la hanche au max, quoi. Attendez, il y a Owen qui nous a appelé. Alors, soit on termine sur le décès d'Amir, ou alors on prend Owen. Non, je pense qu'il est pas mort. Il a tweeté il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Owen. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Enzo. Bonsoir, Pépé. Salut, mon pote. Ça va, Bichon? Ça va. Bon, t'es le dernier à passer sur les blagues, donc on compte sur toi. Vas-y, fais-nous rire. Dieu demanda à David de guetter et David guetta. Mmh. Quoi? J'ai demandé à David de guetter et David guetta. Ah ouais, ouais, mais c'est une vanne dance floor. Et une vanne dance floor, une vanne un peu connue par en revanche certes. Ah, c'est pas mal, elle passe. Moi je te la prends, Owen. Hein? Merci. Hein? Et puis on te la prend puis on la fera quand David Guetta viendra nous voir. Tiens, comme ça je sens qu'on va se marrer. Okay. On t'embrasse, Owen. Merci. Gros bisous à toute l'équipe. Bisous, Moussa, bisous. J'ai envie de demander à Pépère s'il a une blague ou pas. Je sais qu'il va aller dans le trash. Donc préparez-vous s'il y a des enfants là qui écoutent dans la voiture ou quoi. C'est le moment de baisser un tout petit peu. Pépère, alors, vas-y. C'est un mec qui dit à sa meuf: chérie, tu ne verras pas pendant 5 ou 10 minutes. Et sa meuf, elle lui répond: bah pourquoi, tu as cherché une clope? Bah non, je vais t'enculer. Je la connaissais, mais elle est très drôle. Non mais dites par Pépère, c'est quand même Elle est géniale. Un autre goût, une autre saveur. C'est vrai. Hein, tout ce qui est chic et glamour. Bon, restez avec nous dans un instant, c'est Soprano qui va débarquer en studio. Yes. La 01 42 48 5000 pour lui poser toutes vos questions. Et puis surtout, ne bougez pas, on lui a préparé plein de conneries, je sens qu'on va bien se marrer. C'est juste après Benny Benassi sur Fun. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up, let go, let go, let go. In paradise, the closer I get to you, it feels like paradise. And I do it. Soprano, je déclare le night show de Marion et Anso ouvert. Le night show. Sur Fun Radio. Oui, ça y est, auditeur, auditrice de Fun Radio, il est avec nous dans le studio. Soprano est là. Ouais. Soprano. J'arrive, on t'accueille comme ça, mais tu es obligé d'être content. Hein. Ah, forcément. Non. Bonsoir Sopra. Salut, comment ça va? Bien, de retour dans Night Show, on est hyper content de te recevoir à nouveau. Grave. Ah, ça fait plaisir. La dernière fois, on a bu des cocktails un peu bizarres et là, on est là. C'est ouais, c'est ça, on a encore préparé plein de trucs ce soir, tu vois, on va se marrer. Tu viens nous voir parce que tu sors un nouvel album cet automne. C'est ça. C'est ça, l'Everest et ton nouveau titre, Le Diable ne s'habille pas en Prada, est sorti hier soir, hein, c'est ça? Non, ouais. C'est ça. C'est ça, hier soir, ce matin, je m'en rappelle plus. Et hier soir, on se l'est écouté, nous, dans le Night Show hier. Ouais. Yes. Et on a kiffé. Ah, merci. Donc, si vous connaissez pas ce nouveau titre, eh ben, vous allez le découvrir dans un instant parce qu'on va vous le passer. Eh oui. J'adore. Puisque la personne est là, forcément, nous passons ce titre. Ah, c'est une sorte de logique, ça fait, quoi. Ça fait plaisir. Bon, alors, comment ça s'est passé, ce nouvel album, Sopra? Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Je peux pas tout dire parce qu'il y a quand même encore d'autres surprises qui arrivent, quand même. Mais c'est vrai que c'est, j'ai commencé ça en février, juste après la tournée. Je me suis reposé parce que quand même, j'ai eu une grosse tournée l'année dernière. Je me suis arrêté un mois, un peu. Et après, en février, j'ai commencé à travailler dessus. Je me suis dit, le titre de l'album, il s'appelle L'Everest. Il faut que ce soit quelque chose d'évolutif et quelque chose... Ah, t'avais trouvé le titre avant de faire les morceaux? Titre, je l'avais même depuis l'album d'avant, je l'avais dit. Ah, c'est fort. Voilà, j'avais déjà dit un peu le titre et voilà. Okay. J'ai travaillé sur des morceaux, toujours avec un message, toujours avec un truc où tu peux t'amuser, tu vas rigoler. Par exemple, le prochain morceau, c'est un truc où tout le monde va s'éclater, j'espère. Cool. Et voilà, toujours en essayant d'avancer, en faisant des trucs que je faisais à l'ancienne, des nouveaux trucs mélangés dans un album. Bon. On verra. Est-ce que tu es prêt à répondre à tous les auditeurs de Fun Radio? Ils ont été très nombreux à appeler le standard pour toi, hein, je te le dis. Il n'y a pas de problème, je suis là. On démarre avec Pauline qui nous appelle de la Baule. Salut Pauline. Salut Marianne, salut l'équipe, salut Sopra. Salut Pauline. Salut. Bah, moi je voulais savoir, est-ce que tu as fait une autre chanson piano-voix dans ton nouvel album comme dans ton précédent album? Piano voix. Attends, je suis en train de regarder. Mélancolie. Ouais. Mais est-ce que j'en ai fait? Non, j'ai fait un guitare voix. Ah, pas mal aussi. Voilà. Ça, c'est Mélancolie. Ah, ça, c'est de l'album d'avant. Ça te va bien aussi, hein, c'est, ouais, c'est vrai. Ah, c'était un premier truc, je voulais essayer, tu as vu? Premier truc. D'accord. Donc là, on peut s'attendre à un guitare voix. Surprise. J'en dis pas plus. Voilà. Oui. Voilà Pauline. Voilà Pauline, à chaque nouvel album de Sopra, nous découvrons un nouvel instrument. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, moi j'essaie toujours des nouvelles choses. Ouais. C'est oui. Tout ce que tu voulais savoir? Est-ce que je pourrais avoir une dédicace de Sopra? Oui, on va en faire signer à Sopra, comme ça tous ceux qui passent à l'antenne, bim, ils repartent avec. D'accord, merci. Sopra, est-ce que tu peux dire bisous Yoko, s'il te plaît? Eh bien, bisous Yoko. Merci. C'est tout ce qu'on peut faire pour toi, Popo. C'est bon, ta liste est finie. Merci. On t'embrasse, ma belle. Bisous. Ciao, Pauline. Ciao, bisous. Il y a Hugo aussi à Verdun qui est avec nous. Bonsoir, Hugo. Salut, Marion. Salut, Anto. Salut, Sopra. Salut, les bons. Salut. Burr. D'accord. Burr, ça veut dire c'est tout ce qui est mignon, tout ce qui est burr, quoi. D'accord. C'est notre mot. Nous, c'est sting. Sting. Voilà. Eh, pas mal. Sting. Quand il y a un truc qui est waouh, un truc magnifique, tu dis sting. Ah ouais. Quand c'est nul, tu fais stong. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas de mot pour le nul. Non, on dit c'est nul. Ouais. Vas-y, Hugo, pose ta question. Alors, moi, j'ai vu depuis longtemps la pub sur M6, quand quoi ta chanson avait été choisie pour l'Euro. Yes. Et je veux savoir ce que ça t'a apporté, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, etc. Ah, je suis super content. Tu as vu, en plus, c'est Cosmo, c'est une de mes chansons qui réunit. C'est une des meilleures. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est une chanson qui réunit les gens. Et le fait de voir ça à la télé sur M6, tu vois tout le monde chanter et tout. Franchement, ça met les frissons. En plus, juste avant la Coupe d'Europe, là, ça, je sens que ça va être un... Surtout que t'es fan de foot, toi. Ah ouais, moi, je suis un fan de foot. L'équipe de France, je suis derrière. Donc, franchement, ça m'a touché. Et j'espère que ça va leur porter chance. C'est vendredi soir, là, le premier match. Hein. C'est ça. Ouais, exactement. France qui? Roumanie. Roumanie. Roumanie, ouais, c'est ça. France-Roumanie. Ça va être énorme. Hugo, on t'embrasse ou t'avais une autre question ou une petite demande? Vite fait, c'est dans Millionnaire, on voit qu'elle est assez personnelle. La chanson, tu l'as écrite spécialement pour quelqu'un? Ouais. Ouais, je l'ai écrit pour. Je l'ai écrit par rapport à un ami à moi qui est décédé par cause de la maladie. Mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé parce qu'on a eu quand même une année difficile l'année dernière. Hein. Donc voilà, je voulais amener un peu un truc positif. Voilà. Voilà, Hugo, t'avais bien senti. Yes. On t'embrasse, mon Hugo. Merci de nous avoir appelé. Bonjour, merci. Salut. Bisous à toi. Ciao, ciao. Bon, Sopra, tu restes avec nous. Je bouge pas. Toutes les questions que vous voulez poser à Sopra, bah, il suffit de nous appeler. Un numéro gratuit en plus, 01 42 48 5000. Et si vous ne le connaissez pas encore, on écoute le premier titre du prochain album de Soprano qui est génial. Soprano, tout de suite, Le Diable ne s'habille pas en Prada. Et yes. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Le diable ne s'habille plus en Prada, ça c'est le nouveau titre de Sopra qui est venu nous voir ce soir. Yes. Et ça nous fait bien plaisir. Continue avec vos questions à 01 42 48 5000. Mais avant de prendre des auditeurs, j'aimerais qu'on se fasse un petit jeu. On reste dans le délire foot. D'ailleurs, on t'a pas demandé ton pronostic pour vendredi soir, toi, France-Roumanie. Ouais, la France va gagner, je pense, 2-0. 2-0 ? Ouais, tranquille. C'est noté, Sopra. Moi, je dis 3-1. Moi, je dirais 2-1, histoire de faire genre. Genre, on a la maison, on leur laisse, on les accueille bien en Roumanie, c'est ça ? Et c'est ça, on leur laisse marquer un but, quoi. Bon, là, on va parler Paris-Marseille, le match ultime. Tu le sais, à chaque fois, tout le monde te taille là-dessus. Bah, c'est clairement la baston. Du coup, nous, on a mis un sondage en ligne. On a posé des questions à nos auditeurs pour savoir s'ils préféraient, sur certains critères, Paris ou Marseille. Je vais te poser les mêmes questions. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Et on va vérifier avec le panel. Il y a environ 1000 personnes, quand même, qui ont répondu. Tous les réseaux cumulés, donc c'est plutôt cool. Moi, je vais te répondre que Marseille. Moi. Non, sois honnête, tu peux répondre autre. Objectif. Quelle ville a les plus belles filles et beaux mecs ? Sois objectif, hein, tu connais les deux. Marseille. Eh bien, les gens ont répondu Marseille à 50,5%. Paris 49,5, c'est très serré. Mais c'est normal en même temps, vous avez le soleil et tout, vous avez le temps à aller. Les filles sont bronzées, les mecs sont bronzés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas tort. La prochaine, je sais très bien ce que tu vas répondre, mais on va voir avec le panel, quelle ville a le meilleur club de foot? Il va pas être content, Marseille. Et ben là, les gens sont pas d'accord avec toi. Paris pour 67%, ouais. Marseille 33. Mais forcément, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Sopra, je suis sûr, t'étais un petit peu triste quand Zlatan il est parti. Quand Zlatan est parti, ouais. Là, j'attends juste qu'il annonce qu'il va à Manchester et d'un coup, je vais m'acheter le maillot de Manchester. Enfin, je tenais à le préciser. Dans quelle ville y a-t-il un meilleur ton? Surtout en ce moment, c'est pas compliqué, on est d'accord. Hein. Ah ouais, non, là c'est à Marseille. Pourtant, quand même, je suis arrivé, je suis venu avec pull, veste. Ça fait deux jours quand même, il fait beau. Hein. Ouais, enfin. Et ben Marseille pour 90% évidemment des gens. Quelle est la plus belle ville? Bah je sais pas, il y a 9,3% des gens qui ont c'est dit. C'est des Parisiens, c'est des chauvins. C'est bah oui, voilà, bah oui. D'accord. Quelle est la plus belle ville? On parle esthétique. Ah, il y a les monuments à Paris, il y a là, la Seine. Non, attends, là j'enlève le côté fan de l'OM et tous ces trucs-là. Non, franchement, Paris, c'est vraiment une belle ville, même pas que par rapport à Marseille, hein, par rapport à beaucoup d'autres villes du monde. Ouais. Voilà. Donc tu dirais Paris? Je dirais pas. Moi j'aurais dit Marseille, tu vois, mais les gens pensent comme toi. Paris à 60%. Ah oui, quand même. Quelle ville propose les meilleurs artistes? Oh, il n'y a pas à chier, c'est Marseille. Et ben les gens ont répondu Paris à 68%, mais je pense que ceux qui ont répondu Marseille, c'était pour toi. Hein. Non, ouais. Mais c'est des jaloux, les mecs. Dans quelle ville trouve-t-on les habitants les plus sympas, à ton avis? Franchement, Marseille. Et là, c'est... je ne fais pas le chauvin. Eh ben ouais, les gens pensent comme toi. Marseille à 59,5%. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Ah ouais, des fois ici, tu dis bonjour, tu demandes le chemin à quelqu'un. Quelqu'un! On est d'accord, ça arrive, mais il y a des Parisiens très bien aussi. Mais bien sûr, faut pas généraliser. Quel emblème représente mieux sa ville? Quel emblème? Ouais, alors on a pour nous les Parisiens les sourcils d'Amir ou la canne-bière pour Marseille. Quand même, ça donne à réfléchir. Ah, canne-bière. Ouais, les gens sont d'accord. Serré, hein. 53% pour la canne-bière. Désolé pour tes sourcils, Bichon, mais non, ça l'a pas fait. Mais y a pas de bon, globalement, Marseille gagne hein, dans le tour de Soprano, c'était obligé. Hein. Bravo Marseille. Merci, bravo Marseille. Merci. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va partir à la recherche du meilleur soprano. Oui, qui sera le meilleur soprano? Eh bien, restez là, vous le saurez dans l'épisode du Night Show à venir tout de suite. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Tous les soirs, minuit, 1h. C'est Party Fun. Party Fun on Fun Radio. Jeudi, revivez le mix de Synapson à l'occasion de la 3e édition du Winamax 6 Mix. Winamax. Le festival électropoker qui fait vibrer Marrakech. C'est Party Fun. La première émission Dance Electro de France sur Fun Radio. Laissant Dance Floor. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y'a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y'a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Salut, c'est JB, j'ai une info en or pour vous. C'est les 20 ans de Bouygues Télécom. Et à événement exceptionnel, cadeau exceptionnel, Bouygues Télécom vous offre une chance de gagner la Golden SIM. Mais la Golden SIM, qu'est-ce que c'est? C'est tout en illimité. 4G illimité, appel SMS et MMS illimité pendant 2 ans. Alors pour encore plus de plaisir avec la technologie, rendez-vous demain avec Bouygues Télécom dans mon émission pour tenter de gagner votre Golden SIM. Fun Radio et la carte bancaire Bimix offrent jusqu'au 4 juillet un iPad à tous les nouveaux bacheliers. Inscrivez-vous gratuitement sur funradio.fr et rendez-vous le 5 juillet en direct sur Fun Radio pour connaître le nom des gagnants. Infos et règlements sur funradio.fr avec Bimix. Bimix, la seule carte bancaire avec un côté fun. Plus d'infos sur bimix.fr. BEMIX.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute la journée, partout. Suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun Radio. I figured you out, there wasn't a doubt in my mind. Salut, c'est Soprano. De 22h à minuit, c'est le Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Ouais, avec Sopra qui est notre invité ce soir et ça fait bien plaisir. On kiffe avec lui, on kiffe son nouveau titre, Le Diable ne s'habille plus en Prada. Le Diable ne s'habille plus en Prada. Et l'album L'Everest sortira en automne 2016. T'as pas encore de date exacte? Non. Non, j'ai, mais je peux pas dire. Oh, mais tu peux jamais rien dire, Sopra, c'est pas possible. Déjà, en une semaine, j'ai lâché beaucoup d'infos quand même. Ouais, mais il faut que t'en lâches chez nous, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais enfin, Marion, il a raison, il faut se faire désirer comme ça, par parcimonie, comme ça. Mais oui, il faut amener le truc doucement. C'est pas faux. Voilà. Bon, en tout cas, là, maintenant, dans le Night Show, on avait envie de te faire plaisir et d'élire le meilleur Sopra, la meilleure cover d'un de tes titres. Est-ce que t'es prêt? Allez, je suis prêt. Qui sera le meilleur Soprano? Salut, c'est Soprano. Alors, je t'explique, on a des auditeurs qui ont bossé, qui se sont inscrits. Ils voulaient chanter là en direct. C'est toi qui vas élire le meilleur Sopra, ok? Oh là, il y a des filles, des garçons. Non, ça devrait être facile. Tu vas faire au feeling celui que t'aimes le mieux. D'accord. Okay. Alors, on démarre tout de suite avec Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Salut. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir Soprano. Salut, comment tu vas? Ça va. Ah, ben c'est cool alors. T'appelles cool. D'où? De Poitiers, d'accord. T'es fan de Sopra? Oui. Ah, merci beaucoup. T'as choisi quel titre? Millionnaire. Yes. Millionnaire, d'accord. Et eh ben, on va voir ce que ça donne dans un instant. Je ne veux pas que ce soit un carnage, Sylvie, c'est l'un de mes morceaux préférés. Oula. Bon, il y a Luna aussi qui était avec nous. Bonsoir Luna. Salut. Alors, ouais. Luna. Salut Luna, j'aime beaucoup ton nom, je sais pas pourquoi. Ah, merci. T'as choisi quoi, toi? Moi, j'ai choisi Fresh Prince. Yeah. Okay. Top. On a plein de morceaux différents. Et puis il y a Zam aussi qui est avec nous. Salut Zam. Salut Enzo, Marion, Enzo et surtout Soprano. Comment ça va? Salut mon ami. Comment tu vas? Ça va très très bien. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Ah merci. T'as choisi quoi toi? Pardon? T'as choisi quel titre? Moi j'ai choisi Barman. Ah là, on a tout en fait. C'est cool là. Il est pas facile celui-là. On a un joli panel. On va commencer tout de suite avec Sylvie. Sylvie elle a choisi Millionnaire. Tu es prête, Sylvie? Bon courage. Oui, je suis prête. Allez. Eh bien, écoute, Soprano, la France et le monde entier t'écoutent. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. La la la la la la la. Pour m'acheter ce qui n'a pas de prix. Pour se demander ce n'est. Rends-moi millionnaire. C'est pas facile. C'est au téléphone et tout. Ouais. Franchement, c'est pas facile. Bravo, hein. Franchement, bravo. Mais c'était ta version, un peu au ralenti par rapport à la vraie version. A cappella, quoi. Alors, peut-être qu'on peut demander à Sopra si tu devais lui donner une note là tout de suite, ce serait laquelle? Mais, sois honnête, hein, t'es pas obligé d'être gentil. Hein. Tout de suite ou à la fin? À la fin. Alors tu les notes, t'oublies pas, quoi. Hein. Ouais, je note. Fais-toi un petit papier récap. Bravo. Marion, elle déconne jamais avec ce genre d'épreuve. C'est hyper important parce qu'Amir va trouver un gros cadeau au gagnant. Sylvie, tu restes avec nous. Luna. T'es prête pour French Prince? Fresh en fait, Prince même. Je me suis lancée un challenge, c'est qu'en gros, dans la chanson, j'ai changé plusieurs fois de voix, mais Anso, je sais pas faire la tienne. C'est dur. Tu sais pas faire quelle voix, chérie? Quand tu fais la petite fille. Ah, mais non. Ah, salut. Salut, Luna. Vas-y, lance-toi, Luna. Allez, vas-y, lance-toi. Je rentre de... Ah, j'y arrive pas. Allez. Oh, mais c'est dur, hein. Courage, courage. T'inquiète. Je débarque dans le club, accompagné comme... Ah non, mais j'y arrive pas, c'est trop dur en vrai. Il y a des stress. Ouais. Non, mais parce que tu es stressée. Attends, Luna, tu veux des encouragements? Mais non, mais c'est horrible en vrai, je tremble. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Tu sais, tu as le même prénom que ma fille. Il est magnifique. Ouais. Donc là, tu y vas, je débarque dans le club, accompagné de mes thugs. Et là, normalement, tu vas y aller de suite. Vas-y. Ok. Vas-y, t'inquiète. Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. J'ai marché avec les vrais, ouais, j'ai marché avec les best. Y'a qu'à l'époque des Chris Cross qu'on a tourné la veste. J'ai dit que j'ai vu mon son dans la boîte de Sénis Buzz. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu sais pas voir, ne t'approche pas de moi. Moi, tu sais, j'ai payé, c'est... Voilà. Mais mais tu vois, t'as réussi quand même, Luna. C'est dur, là. Et c'était juste, hein. Eh oui, c'est pas facile, hein. Non, mais elle est hyper dure, en fait, cette chanson, en plus. Hein. C'est compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais. Soprane, n'oublie pas ta note, hein. Tu la mets sur ton petit papier, dans ta tête, où tu veux, mais on note. Luna, tu ne bouges pas, hein. Reste avec nous. Oui. Il y a Zam aussi. Alors, Zam, toi, tu voulais chanter Barman. Yes, ben moi je vais m'accompagner de la guitare si ça vous dérange pas. Ah cool, ah, écoute, oh, vas-y, hein. Orchestre yes. symphonique. Ouais. Avec plaisir. Bon. Ah. Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il veut me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a noté toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il s'agresse. Ils m'ont tous saoulé, pa-pa-pa-la-la-la-bam-bam-bam. Ils m'ont tous saoulé, oui, ils m'ont tous saoulé. Ah ouais, ah j'adore. Bravo Zam. Bravo, bravo, bravo Zam. Ah ouais. Alors, Sopra est en train de mettre sa note. Ok, j'ai vu. Alors j'ai quand même une question parce que ça m'inquiète. C'est des notes sur 10 ou sur 20? Non, c'est sur 10. Ah, ouais. Ouais, rassuré. Alors, attendez les gars, verdict. Sylvie, Luna, Zam, est-ce que vous êtes prêtes à récupérer vos notes? Oui. On commence avec Sylvie. Sylvie. Alors Sylvie, 8. Franchement, 8 sur 10. C'était bien. Voilà, c'est pas facile. Elle a choisi une chanson pas facile. T'es gentil quand même, hein. Ah, parce que moi, des fois, sur scène, j'oublie mes couplets à ce moment-là. Ouais. Donc, je préfère te le préciser. Après, Luna. Luna, ah, tu as un nom magnifique, mais j'avoue que je t'ai mis 8 aussi. Pas mal. C'est serré. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, t'es hyper cool. Moi, je serais curieuse de connaître les notes de Marion. Bah alors, moi, on était sur du 2-3. Hein. Ouais, mais elle, c'est le diable. C'est le diable, tu vois. Ça bute plus en Prada. Voilà. Alors, ça va se jouer du coup, soit sur une égalité, soit c'est Zam. Combien tu as mis à Zam? Alors Zam, avec la guitare et tout, j'avoue, il m'a fait bouger. Alors que cette chanson, je lui ai dit juste avant, c'est un peu difficile. Et en fait, quand il s'est baladé, je lui ai mis un 10, j'avoue. 10 sur 10, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bravo à tout le monde, bravo à tout le monde, bravo Zam. Ah lourd, franchement, merci, vous avez tous été bons et merci d'avoir bossé pour faire plaisir à Sopra et tout, c'était très cool. Ouais, grave. Franchement, ça assure. Mais vous avez tous gagné en fait. Et Sylvie, Luna, on vous embrasse très fort les chéris, on vous envoie du pack Fun Radio. Et Zam, bah, on est toujours dans l'attente du cadeau que Amir va trouver. Ouais. Il va te trouver un truc bien. Voilà, c'est ça, il va t'envoyer. Il vient d'allumer son téléphone, il est en train de chercher là. Voilà. Ouais. Il est en galère. Je lui ai donné 2-3 idées, hein. J'ai repéré une porte. Ouais, on va parler aux antennes, mon pote. On t'embrasse très fort, Zam. Moi aussi, je vous embrasse. Merci, Soprano. Bientôt, il n'y a pas de problème. Merci à vous trois. Bisous. Bon, restez avec nous. Soprano, ne bouge pas lui aussi. La 01 42 48 5000 pour lui poser toutes vos questions. Et puis, on t'a préparé du petit jeu aussi, Soprano. Hein. Ça va, je suis là. Je suis opérationnel. Oh, mais de toute façon, il est tout le temps partant pour tout, celui-là. Ah, hein, bah oui, t'inquiète pas. Et puis, tout de suite, pour le son, c'est Déo. Allez, ça bouge. Bye, Lars, sur Fun Radio. Pas assumé, celui-là. Non. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, lo quiero probar. Dios se vivana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. sur Fun Radio. Il est 23h02. C'est Marion, Anso et Sopra ce soir en direct dans le Night Show. 01 42 48 5000, c'est le numéro gratuit. Profitez-en parce qu'il n'est pas là souvent, Sopra. Non. Donc c'est le moment. Si vous avez un petit message pour lui, on appelle, c'est facile et on a du monde pour toi au standard. Oui, yes. Tout à fait. Il y a Thomas de Dunkerque. Est-ce que tu connais Dunkerque? Oui, il y a beaucoup de Comoriens là-bas. Une grosse dédicace à eux. Big up. Bonsoir Thomas. Salut Marion, salut Anso, salut Sopra. Salut, comment tu vas? Bien, et toi? Faudra que tu viennes à Dunkerque. Hein. Ouais, faut que je vienne. J'étais venu faire un concert là pour l'année dernière. Je vais revenir. Non, mais sans déconner, Thomas, on était avec Marion pour présenter le Fun Radio Live vendredi soir. Vous êtes quand même hyper chaud, les gens. Ah ouais, non. Mais oui, ils sont chauds. Super chauds. Ah ouais, j'ai pas pu venir, mais bon. Truc de ouf. Ouais, ils sont chauds. Ils sont au top. J'aime bien la Dunkerque. T'avais une question, Thomas? Ouais, c'était est-ce qu'il y aurait un featuring dans ton album ou pas? Ah, il veut rien dire, il veut rien lâcher. Alors, normal. Bah, au moins un oui ou un non, on te demande pas de nom. Oui. Oui. Alors, français ou étranger? Fille ou garçon? Ah oh là là. T'as aimé travailler avec cette personne ou pas? Bah oui. Bah, il va pas te dire oui, non. Mais oui, mais oui. Bah, mais après il. Comment expliquer? Il y en a qui c'est en cours d'enregistrement. D'accord, donc il y aura plusieurs featuring. Ah ah. C'est ça. J'ai hâte, j'espère que c'est du lourd. En tout cas, on travaille pour. Voilà, j'ai pas encore fini. Mais du coup, Thomas, toi, t'aimerais qu'il fasse un featuring avec qui? Bon, j'ai pas spécialement d'idée, mais ça peut toujours être sympa. Ah, tu sais, j'ai fait avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Hein. Il me manque dans ma liste. Bon, ça veut pas dire qu'il y est sur mon disque, je le dis, il y est pas. Et il manque Stromae quand même. Il y a que Stromae que j'ai pas fait. Ah, c'est vrai. Et alors que je le kiffe, donc je sais pas. Ça peut être vraiment bien. Ouais, ça pourrait être bien. Bah, Stromae, tu écoutes le Night Show tous les soirs, donc appelle-nous. Il y a pas de problème. Ouais, on va travailler là-dessus. Ouais, on va bosser. On va voir avec lui. Thomas, on t'embrasse. Bisous. Bisous à toi. Bisous. Il y a Céline de Montpellier aussi. Bonsoir Céline. Bonsoir. Salut les filles. Salut Sopra. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Impec. Bon, ça va. Vas-y. Ça va Paris? Ouais, ah, grave. Salut. Alors moi en fait j'ai une question de la part de toute l'équipe, hein, de tout le monde. Ouais. Ce serait pour savoir quand est-ce que à peu près commenceraient les Brest Tours. Parce que je sais très bien qu'il faut qu'on s'organise et tout pour l'État, tout ça. Ah mais j'ai même pas reconnu ta voix. C'est quoi cette voix de... Ah là là. Alors je vous explique. C'est une équipe de fans. De fans qui me suivent partout et qui assurent, qui me font plein de surprises partout. Et franchement, ils assurent. C'est de la bombe atomique. À chaque fois qu'il y a un concert, ils me préparent des trucs. La dernière fois en Belgique, ils m'ont fait un tifo. La dernière fois, ils m'ont fait carrément. Ils nous ont offert des ballons. Ils ont jeté des ballons en plein concert à Paris. Ah, c'est fort. Ils nous ont fait des trucs de fou. Chaque fois, un millionnaire, ils ont fait plein de trucs. Bref. Alors, normalement, ça commence en février. Voilà, février 2017. La tournée ou la pré-tournée? Il y aura une pré-tournée? Non, il y aura quelques dates, mais la tournée commence en février. Alors attends, parce que moi sur ma petite fiche, j'ai un concert événement le 30 septembre 2017. Voilà. Oh, c'est la fin de la tournée. Ouais, mais c'est à Milan, mais c'est quand même c'est Bercy et le deuxième c'est le Stade Vélodrome. C'est énorme. Stade Vélodrome. Et du coup, Céline va falloir nous préparer des grosses surprises hein, pour l'accord Hôtel Arena. Oui, mais alors, mais ça va, on a un an de préparation. Juste une note, chérie, le 30 septembre, c'est à l'accord Arena et au Stade Vélodrome, c'est le 7 octobre 2017. Si seulement on pouvait venir. Voilà. Bah, on va peut-être être invité. C'est quoi ce J'attendais que ça en fait. Fin 2017, fin 2017, je pense qu'on peut s'organiser en plus. Il y a le timing là quand même. Allez, c'est parti. On t'embrasse, ma Céline. Céline, je te fais plein de bises. Bisous, bonne soirée, bisous à tout le monde. Et toi aussi, à toute l'équipe. Et le bonjour de toute l'équipe. Hein, bah, toi aussi, tu passes le bonjour à tout le monde. Tu dis merci. Ils sont cool. Ça marche. Voilà, ça c'est un instant beurre. Bisous, Céline. Bisous, bonne soirée. Ciao la parisienne. Soprano, puisque ton nouveau titre s'appelle Le diable ne s'habille plus en Prada, on va jouer ensemble. Je vais te présenter notre diable à nous. D'accord. Il va te poser des questions, tu devras y répondre le plus honnêtement possible. Ça concerne tes péchés. Ça s'appelle Entretien avec le diable. Écoute, il va se présenter. Oh, moins fort le tonnerre, ça me casse les oreilles. Salut Sopra, c'est le diable, ou Chétan, si tu préfères. Prêt à t'entretenir avec moi? Attention à tes réponses, mon jugement sera fatal. Oh merde. Eh, ta vie, il fait rap, hein. Ah ouais, il me fait filer. Ah ouais, j'ai des chocottes là. Il faut être le plus honnête possible. D'accord. Allez, je vais te donner un joker sur les 6 questions. D'accord. Ok. D'accord. C'est parti, première. Sopra, est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un? Dis-moi tout. Oui. Ah. Plusieurs fois dans la journée même. Ah, tu mens souvent. Mais oui, c'est moi aussi le diable. Mais genre, on veut des exemples. Non, je suis sûre qu'il ment pas. Non, oui, j'ai déjà menti. Ah, des petits mensonges. Bon, des petits mensonges, ouais. Genre exemple, comme Marion qui nous taxe toutes les 5 minutes pour du café. Tout à l'heure, elle m'a demandé si j'avais 50 centimes. Je lui ai dit que c'était faux, alors que j'ai plein de pièces dans mon portefeuille, tu vois. Mais ça, c'est des mensonges radins, tu vois. Non, je suis paradine. C'est horrible. Je suis paradine, je suis fauchée à cause d'elle. Ouais, d'accord. Ouais. Non, là, alors, ça c'est. Là, tu mens pour te sauver, c'est pas pareil. Voilà. C'est ça. Donc, mais je suis choquée. Balance. Il a dit oui, le diable. Oui, le diable. J'ai déjà menti dans ma vie. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Ne me mens pas. Ouais, plus jeune, de temps en temps, on rentrait dans les villas des maisons à côté pour aller voler des fruits. Je suis gentil quand même. Ah, des fruits. T'as eu peur, t'as la vérité, quasi ouais. Tu dis là. Ouais. Non, on allait, on prenait des myrtilles, on prenait des pommes, des pêches. Putain, bon, et mec, tu sais que demain dans la presse, Soprano, voleur de myrtilles. Bon, attention, hein, à cette époque-là, quand même, même quand on rentrait, on sortait, tu voyais les mecs qui sortaient. Oh, sortez de la maison! Ah, ça va, des myrtilles. Mais voilà, on n'était pas des mecs, quoi. J'étais pas un méchant. Moi, j'ai déjà volé une brosse au Monop. Et je me suis fait attraper parce que je suis vraiment nulle. À base des 4 sécu dans la petite salle et tout, la honte, obligée d'aller payer devant tout le monde. Et moi, j'ai volé un jour des bonbons dans une épicerie parce que je les ai bouffés avant de sortir. Donc, en voulant dire au revoir, j'ai des bonbons partout. Eh ben, on est nuls. Voilà. Catastrophe. Allez, on enchaîne, troisième question. À qui as-tu fait le plus de peine? Oh, je pense comme beaucoup de monde à ma mère, à mon avis. À ma mère. C'est logique. Eh oui. C'est les mamans. Malheureusement. Ok, on enchaîne. À quand remonte ta dernière insulte ou ta dernière engueulade? Angoissant, ce coup. Ouais, ça voit, les gars. Alors, ma dernière insulte, qui j'ai eu? Bon, qui j'ai insulté? Non. Mais ça peut être, je sais pas, en voiture. En voiture, t'es cool ou pas? Ouais, moi je suis cool en voiture. Ouais. Par contre, ma femme, c'est toutes les insultes du monde. Ouais. Mais parce qu'elle croit peut-être que. T'as vu quand tu insultes les filles, elles aiment trop, je parle avec lui là. Ouais, t'as vu quand toi tu es en voiture? Ouais. Ouais, lui! Vas-y, réponds-lui, vas-y, fais quelque chose! Quand le mec il s'arrête en voiture, d'un coup, elle devient un peu plus silencieuse. Et tout retombe sur toi. Elle tout, et voilà. Elle attend que toi tu défends. Moi, bah oui. Démerde, toi. C'est normal, enfin. Vous êtes là pour ça. Mais c'est vrai que c'est un cliché, mais on est toutes pareilles. Hein. Ah bah oui. Mais oui, c'est vrai. Donc moi, l'insulte, à mon avis, à ma femme à ce moment précis, le mec méchant. et la dernière engueulade. La dernière engueulade. Ouais, c'est ma femme pour une connerie. En plus. Ok. Ouais. Est-ce que tu es fidèle? L'as-tu toujours été? Même en primaire? Je pose trop de questions. Hey, il est pas mal. Il faudrait l'inviter un jour à l'émission. Ouais. Il est pas mal. Lui. Oui, quand même. Quand j'étais tout jeune, j'étais pas très sérieux. Ah, d'accord. Mais maintenant que tu es marié, fidèle. Voilà. Comme je dis, pas de Snapchat. Voilà. Ok. Encore une question. Dernière question. Si tu devais dire une saloperie sur le night show, ça serait quoi? Sache que quoi que tu dises, je serai d'accord avec toi. Pour laisser rapport à mon salaire qui tarde à venir. Hey, en plus, il a un salaire en plus. Vous l'avez payé et tout. Ah, là, bon. Il allait dire staff là. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ouais, c'est le chétan qui m'a pris là. C'est le qui... Alors, quelle saloperie je pourrais dire? Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, tu peux te lâcher. Je vais sortir une saloperie qu'elle a sortie tout à l'heure. Ouais. Mais c'est quoi ces sourcils, la meilleure? C'est quoi ça? Elle est vilaine, elle. Hein. Elle est méchante. Mais elle est Marion, toi, t'es mariée avec le diable. C'est entretien entre Soprano et le diable. Je ne rentre pas dans ce jeu, moi. Okay. Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, écoute, tu as bien répondu. On va voir ce qu'en pense le diable. Quelle analyse il va faire de tout ça. Ok, ça me va. T'es pas sans reproche, mais bon, Il faut que je reparte avec quelqu'un en enfer. Je pars avec les sourcils d'Amir. En plus, il me manque des paillassons pour chez moi. Allez, bisous, bisous. Et en plus, à la fin, il est coquin. Le diable qui fait des bisous, quoi. Non, mais n'importe quoi. J'aimerais quand même qu'on embrasse Max, notre auteur, pour cette formidable prestation de bravo, diable. Max. Bravo, Max. Bravo, bravo, bravo. Magnifique. Bon, Sopra, tu bouges pas. Il y a encore pas mal de questions pour toi. Là, 01 42 48 5000. Et puis tout de suite, c'est David Guetta avec Zara Larsson. Alors, non seulement ça, c'est l'hymne de l'Euro. Et puis en plus, David Guetta et l'UEFA vous proposent d'assister au match d'ouverture avec David Guetta. Oui. Donc, vous allez pouvoir le rencontrer. Pour participer, c'est simple. Il suffit de tweeter avec le hashtag Bruno Fun Radio. La réponse, ce sera vendredi. David Guetta et Zara Larsson. C'est tout de suite sur Fun. Soprano est l'invité du Night Show ce soir et on vient d'apprendre un petit truc, il est fan de Justin Bieber. Ouais. Ah, son dernier album, c'est une tuerie. On adore. Mais non, mais en fait, on parlait hors antenne du son de Drake en fait qui a été repris par Justin Bieber. Hey, vachement bien. Right now, j'adore. Il a vraiment une voix kiffante. Hein. Il a tout kiffant. Ouais, c'est vrai. Il est fort. Surtout quand il est torse nu. En photo. Bon, Sopra, on a encore du monde pour toi et dans un instant, on va se faire un petit jeu ensemble. Trois jeux ce soir, j'ai l'impression qu'on a bossé. Hein. Bon. Il y a Léo de Lyon qui est avec nous. Bonsoir Léo. Salut. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Yeah, moi aussi. Salut, ça va? Salut, et toi, comment tu vas? Bah, ça va super bien, ça me fait super plaisir de te parler. Ah, c'est cool. Moi aussi. Vas-y. Voilà, En fait, j'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir combien il y aurait de titres sur ton prochain album. Je sais pas encore. Je suis en train de terminer là. Il me reste encore un mois et demi. Je vais terminer ça. À mon avis, il y aura une quinzaine. Ouais. Et du coup, sur les 15 que t'enregistres beaucoup plus, du coup. Mais oui, tout le temps, j'enregistre plus. Ça te fait pas trop de peine de les laisser sur le bord de la route, les autres? Ah, c'est la misère. Oui. Ça veut dire le dernier jour, tu dois faire le tri et tout. Mais tu les réutilises jamais? Il y a des fois, je réutilise, par exemple... Attends, est-ce que je m'entends? J'appuie là. Ah oui, c'est vrai, tu t'entends pas. J'arrive. On va te changer ça, t'inquiète pas. Hop là. Il y a des morceaux comme Millionnaire. Mm-hmm. J'avais déjà commencé à taffer dessus, mais j'avais pas fini. Et je l'ai gardé pour la réédition, par exemple. D'accord. Voilà. Ah ouais. Il y a des morceaux... souvent, ça m'arrive, ça. Ils sont jamais perdus, quoi. Non. Jamais. Bon, voilà, Léo, tu ne sois plus inquiet. D'accord. Bah, ça me rassure. Yes. On t'embrasse, bichon. Bisous, Léo. Ciao, Léo. Juste une dernière question. Dis-moi. En fait, j'ai appris en troisième, parce que je suis un bon élève, c'est-à-dire que j'écoute en musique. Et en musique, on m'a appris qu'il y avait la voix aiguë, voix grave, voix médium. Enfin, il y avait plein de voix. Et il y avait la voix soprano. Ouais. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport avec ça, Oui, il y a un rapport avec ça. C'est en fait, quand j'étais petit, j'étais dans les j'étais dans une chorale où j'étais la voix lead et tout mon quartier me disait tu as une voix aiguë, mais tout le monde m'appelait soprano. Alors que plus tard, j'ai appris que j'étais ténor. Mais bon, au quartier, on ne connaît pas trop le rapport entre ténor, soprano. Donc voilà, non, c'est un rapport, ouais. Voilà. Voilà, Léo, on t'embrasse, jeune baryton. Ok, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir en tout cas. Bisous Léo, bisous, ciao. Ciao. Un gros bisou, salut. Sopra, on va jouer avec quelques-uns de tes plus grands tubes. Je t'explique, on a échangé de place tous les deux en face de l'écran qui est juste là. Il y a tes plus gros hits. Je vais à chaque fois te poser une question. Tu devras me répondre avec une chanson en appuyant dessus. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de parler, tu choisis une chanson, elle va se lancer. D'accord. Et t'es obligé à chaque fois d'en prendre une seule, sinon je ne te parle plus, je t'unfollow. Et voilà, et c'est terminé entre nous. Ok. Alors vas-y. C'est parti, quelle chanson fait le plus bouger? Forcément. Quelle chanson sera dans ton cœur à jamais? C'est dur ça. Ouais, à jamais? Tu dois en prendre qu'une seule. Bah oui, t'as normal. Expliqué pourquoi tout à l'heure en plus. Ouais. Ah oui. Elle a du sens. J'aurais pu mettre la bien quand même, parce que quand même celle-là, et encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit oh la bien. J'ai dit ça fait 10 ans. Quelle chanson a été la plus critiquée selon toi? Quelle C'est dur ça, parce qu'il n'y en a pas, je crois. Hein. Non. Si t'hésites. Hop. J'hésite entre... Ah ouais, mais je peux pas mettre deux. Non, t'en mets qu'une. Allez. Bah tu peux appuyer sur deux en même temps. Bah, ça va être un beau bordel. Hein. Mais tu peux tenter. Hein. Allez, choisis, tu peux le faire. Oh. Ouais. Remets mon nez rouge. Peut-être, et encore... Ouais, c'est pour en prendre une, quoi. Voilà. Parce que les gens se sont dit, oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un rythme électro. Ça surprenait quoi. Ça surprenait, c'était un premier. Quelle chanson a été la plus applaudie par tes confrères, par tes pairs du milieu? On rentre dans le club habillé comme des princes. Celle-là. Ok. Lourd celle-ci. Grave. Quelle chanson s'est écrite en très peu de temps? La plus rapide à faire, ça a été laquelle? La plus rapide? Ouais. C'est dur parce qu'ils y sont pas tous. Dans le job, ça bille plus un panneau. Le nouveau, je l'ai écrit très très très très vite. C'était facile. Avec tout ce qu'on voit à la télé, c'était facile. Alors, là, celle-là, tu vas avoir du mal, je te le dis. Ouais. Donc, bonne chance. Quelle chanson tu assumes le moins? J'assume le moins? Ouais, c'est impossible. Hein. Alors là... Il y en a bien une que t'aimes un peu moins que les autres, non? De tous qui sont là, là? Bah ouais. Non, c'est impossible. Bah, là, non. Moi, et de celles qui sont pas là? De celles qui sont pas là, ouais, il doit en avoir quelques-unes, mais là... Ouais, là, non. Lui demande de choisir entre tous ses enfants, là, c'est impossible. Ouais. Ah, là, allez, là. Joker sur celle-là, mais après, t'en as plus un. Joker, okay. Celle-là, c'est... Okay. Joker, allez. Quelle chanson a eu le plus de succès, c'est-à-dire t'as rapporté le plus d'argent? Bah, tout Non, je sais pas, franchement, je sais pas. J'hésite entre deux. Cosmo, non? Parce que Cosmo, elle était tellement remplie. Ouais, mais elle a bien... Ah ouais, elle a bien, ouais. Non, c'est Cosmo. Et alors là, choisis bien parce que celle-ci, elle est importante. Quelle chanson tu nous donnes pour faire le nouveau générique du Night Show? Moi, je prends. Non, grave, hein. Sans problème. C'est Night Show. Il y a encore de la question pour toi, Sopra. Calme-toi, Amir. Il y a Mélissa Valenciennes. Ça va, Mélissa? Salut l'équipe, salut Sopra. Salut. Vas-y, Mélissa. Alors, Sopra, en fait, nous, on voulait savoir un peu, parce que là, ton dernier, justement, bah, c'est, ça fait un rapport un peu avec le film Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Donc, on voulait savoir pourquoi tu avais choisi ce titre et si c'était quel message tu souhaiterais faire passer, en fait. En fait, je voulais faire un message. Je voulais dire que qu'à un moment donné, on dirait qu'on a dépassé certaines bornes dans plein d'autres trucs. Mais c'est surtout un peu un jeu de mots avec le film, quoi, pour dire que aujourd'hui le diable, ben on l'a dépouillé. On fait des trucs bien pires. Donc il n'est plus en Prada. Je crois qu'il est à poil sur la rue. Il marche, il mendie. Voilà. Mais c'est un petit jeu de mots et en même temps, ça me permet de faire passer mes petits messages à travers mes textes. D'accord. Voilà. D'accord. On t'embrasse. Bisous. Ouais, Sopra, par contre. Ouais. C'est possible, en fait, parce que j'ai une amie, Clélia, qui est dans sa voiture, qui est sortie exprès. Juste si tu pouvais lui faire une dédicace, lui dire un gros bisou, comme ça, elle peut aller se coucher. Elle s'appelle Léa? Clélia. Clélia, comment tu dis? Clélia, c'est ça. Ok. Clélia, rentre à la maison, ta mère, elle va te tuer, je crois. Non, mais je te fais plein de bises. Clélia, attends quand même minuit, hein, qu'on termine l'émission, ouais, avant d'aller. Ça va, c'est la suite. On t'embrasse, Mélissa. Un gros bisou, Sopra, et toute la notre team. Je vous fais tous un bisou et la team Baba aussi. Ah, une grosse bise au nord. Ah, bah oui. Eh ouais, et ça, c'est une autre équipe, ça. D'accord. Ouais, ça, c'est ouais, une autre équipe. Non, ils assurent. Franchement. Putain, mais est-ce qu'on en a une, nous? Bien sûr. Bien sûr. Ah non, eux, ils assurent. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. À très bientôt. Ciao. Il y a Nathanaël aussi de Vosges. Qu'est-ce que c'est, ça, cette ville? Bonsoir, Nathanaël. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Soprano. Alors, dis-nous. Salut. C'est où, Vosges? C'est juste à côté de Saint-Étienne. Yes. Ah, ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, ça va impeccable. Vas-y, on t'écoute. Dis-moi, je voudrais savoir si tu aurais des projets de cinéma. Oui. En plus, aujourd'hui, j'en ai parlé. Oh. Ouais. Oui, il y a, en fait, il y a plein de. Chaque fois, on m'envoie des synopsis, plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que je trouve pas beaucoup le temps. Je trouve pas le temps de faire les films. Mais là, oui, il y en a deux qui sont arrivés. Et je vais trouver le temps de le faire parce qu'ils sont bien. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un truc qui t'intéresse, quoi. Ouais, j'aime bien. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie de faire des trucs. T'as raison, parce que tu vois, moi, ouais, si on me proposait des synopsis, eh ben moi aussi je testerais. Mais on m'en propose pas. Alors, s'il vous plaît, le Night Show veut des synopsis. Et si vous avez. Nathanaël, on t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Bisous. Bon, Sopra, merci d'être passé dans le Night Show. C'était un vrai kiff de t'avoir. Franchement, on a kiffé. T'es un amour. À chaque fois, tu joues merci. Le jeu. Tu réponds aux questions. T'as toujours le smile. T'es vraiment un de nos artistes préférés. On te le dit parce que dans le Night Show, on était surexcités de savoir qu'on t'avait. Donc, c'est cool. Et surtout le diable. Hein. Il était pas mal. Ouais. Mais tu sais ce que t'es en fait. Tu es officiellement. Tu fais partie officiellement des Burr. Voilà. Oh, des Burr. T'es un Burr. Ah, c'est cool. On diffusera le plus possible ton nouveau titre. Le diable ne s'habille plus en Prada. Il est juste énorme. Et surtout, on espère que tu seras de retour dans le Night Show pour la sortie de l'album L'Everest. Ce sera à l'automne 2016. Yes. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Comme d'habitude, on rigole bien. Merci Sopra. Ciao. On te fait des bisous et vous restez avec nous puisqu'on est encore ensemble là, en direct jusqu'à minuit sur Fun. Et dans un instant, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, tiens Marion. Oui. On va bitcher avec vous là, sur tout ce qui nous énerve un peu en ce moment. Ouais, moi, il y a un truc qui me saoule et qui concerne Kim Kardashian. Voilà, je vais vous le raconter dans un instant, j'en ai gros sur la patate. On se retrouve juste après Môme sur Fun Radio. Bisous Sopra. Ciao. Lover, which way have you moved? It's been a while since I've had his groove. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel. You're free now, so. The unknown now. The unknown now. Je m'entends pas. Bah oui. Ah mais c'est horrible ce truc. Attends, il faut que tu me changes le son parce que c'est le son de soprano là, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc un peu chelou. Comment on fait? Attends, je change. Il va falloir que je vous apprenne. Hein. Ouais, apprends-moi parce que là c'est dégueulasse. Remonte tout en haut. Je peux vous avouer un truc. Oui, bien sûr, Amir. De tous les artistes que j'ai pu voir ici et dans d'autres radios, franchement, Sopras, il fait vraiment partie du top 3 des meilleurs. Mais c'est le meilleur. Hein, Figure-toi que moi, c'est mon artiste préféré. Non, mais franchement, c'est sincère ce qu'on lui a dit. Il est excellent, il est hyper bon client. Et puis Sopras, même si tu lui proposes un truc pourri, il jouera toujours le jeu et il aura toujours le sourire, tu vois, parce qu'il est gentil. Et il sent hyper bon. Et c'est rare. Voilà. Enfin, c'est pas l'odeur, c'est rare les gens cool. Et Sopras, ils sont bons aussi, hein. Il va faire partie de ceux qu'on va inviter pour nos prochaines opérations gaming parce que ça continue. On a ouvert Marion et Anso Gaming sur YouTube. On se fait des opérations avec des artistes, des gamers et demain on va s'en faire une entre nous, l'équipe. Ouais. On a trouvé un jeu qui fait archi peur. Donc on va être en mode dans le noir, sous la couette, à se faire flipper. On va tout vous filmer en infrarouge pour la chaîne YouTube. Et franchement, vous êtes pas cool parce que vous savez que moi je flippe d'un rien et que j'ai peur de tout. Et vous êtes pas cool, quoi. Je sais. Oui, Amir. Ce qui est cool, c'est que même s'il n'y a pas des auditeurs qui viennent, demain, on va offrir en fait encore une fois, vous savez, les petites cartes là pour Xbox Live et puis PSN. Ah ouais. Avec alloparadise.fr. Ouais. Alloparadise.fr, vous allez dessus, puis vous allez découvrir. Et demain, on va pouvoir offrir ça à plein d'auditeurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on est généreux. Oh, hein. Sympa, là. Oh, ouais. Salut, Sabitch. Le salut Sabitch, c'est un truc qu'on aime bien faire de temps en temps dans le night show. En gros, on se lâche. Vous avez envie de bitcher sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une émission, sur un morceau, sur une personnalité. Vous êtes les bienvenus sur l'antenne, anonyme ou pas, 01 42 48 5000. Alors jamais de méchanceté, mais du petit critiquage comme ça, gentil, qui passe bien. On peut y aller, quoi. Ouais. Alors moi je vous le disais il y a quelques instants. Oui. Le mien c'est c'est sur Kim Kardashian parce que Kim Kardashian a sorti, c'était en décembre dernier, des emojis. Ça s'appelle des Kimojis. Ouais. Donc en gros, elle te fait payer alors qu'elle est elle a une blinde, elle est à tête d'une blinde quoi. Mm-hmm. Elle te fait payer je crois 2 ou 3 balles la collection de Kimojis. Donc c'est des emojis où tu la vois faire un fuck, tu la vois se marrer, tu la vois avec son gros fion, tu la vois enceinte, tu la vois voilà, comme ça tu peux parler avec tes potes au lieu d'avoir les emojis avec les petites têtes jaunes là, t'as plutôt des Kim Kardashian. Et en fait, elle vient de faire un comment on appelle ça, tu sais, un refile, enfin un quoi? Un replay. Mais non, elle a rajouté des emojis sur un son refresh. Truc. Ah, un refresh. Et enfin, un riz quelque chose, un riz basmati. Et donc, du coup, ça te coûte encore un bal pour avoir Kim. T'en as, toi? Mais oui, j'ai des copines, pour ne pas les citer, genre Christina du matin. Elle ne sait pas faire autre chose que t'envoyer des Kimojis. Sauf que moi, ça me gonfle. En plus, ça coûte une blinde. Elle a lâché des thunes pour Kim Kardashian à acheter ça? Elle a lâché des thunes. Mais attends, mais je t'explique, mec. C'est c'est qu'en plus, quand elle t'envoie un Kimoji, ça te prend tout le truc de l'écran. Ben, c'est ça, il faut un iPad pour les voir rapport à son gros cul. Regarde-moi ça. ça prend tout le dos, c'est insupportable. Et c'est insu. Voilà, on aime bien Kim Kardashian, mais là non, les emojis ou les kimojis, on valide pas ce dos, quoi. Voilà, ils sont même pas bien faits, je trouve. Franchement, non. Ouais, non. Moi, je dis non. Alors, je suis d'accord avec cet instant bitchy. Vas-y, bitch. Alors moi, ça n'a rien à voir. On reste en France. Moi, je voulais bitcher sur la guéguerre qui m'insupporte entre Hanouna et Arthur. Alors, si vous suivez pas, en fait, Hanouna présente TPMP sur D8, Arthur a un nouveau talk show sur TF1, le 5 à 7, je crois. Et donc, ça fait quelques semaines, quelques mois même, qu'ils se font la guerre par rapport à ça, parce que c'est deux talk shows. Donc, forcément, il y a une sorte de concurrence, même si c'est pas aux mêmes horaires. Et vas-y que je te taille dans une émission. Et vas-y que je fais passer des messages subliminaux dans une autre. Ouais. Et en fait, on s'en bat les couilles, en fait, les gars. Faites vos émissions. Il y en a pour tout le monde. Et arrêtez d'être auto-centré sur vous comme ça, parce que tout le monde s'en fout de cette guerre. Non, puis en plus, t'as raison. T'as l'impression d'être un peu pris, t'as l'impression en tant que téléspectateur de devoir faire un choix. Alors que pas du tout. Alors que t'as le droit d'aimer les deux. Bah oui. Ouais, enfin, moi je comprends votre avis, mais moi j'avoue que quand je vois Arthur qui place des petits messages subliminaux et puis Hanouna qui fait la même, moi ça me fait rire en tant que téléspectateur, parce que oui, en vrai, je m'en fous, c'est bien pour eux. Les deux se connaissent depuis très longtemps. T'as Arthur qui a réussi bien avant Hanouna, et puis Hanouna aujourd'hui qui réussit très très bien, mais Arthur qui est toujours en place. Par contre, quand il slash des petits messages, bah moi ça me fait rire. Mais non, mais en plus c'est pas feel good, c'est naze. Exactement, si c'était bienveillant et si c'était plutôt du clin d'œil, là moi ça me ferait kiffer. Attends, l'autre jour Hanouna qui dit clairement qu'il n'aime pas Arthur. Alors moi j'adore les deux en plus, donc je suis mal placée pour choisir, mais voilà, ils se disent clairement des horreurs, Hanouna un peu plus qu'Arthur, à base de je n'aime pas le gars et tout. Enfin, je sais pas, respecter le gars quoi. Le gars c'est un mec de télé qui est là depuis 1000 ans. Ouais, il tente des trucs, enfin je sais pas. Ouais, non, puis après, surtout on s'en fout, quoi. On connaît que enfin ce qui se passe devant, on sait. Justement, ils doivent nous envoyer des bons signaux. Les téléspectateurs sont pas censés savoir ce qui se passe derrière. Nous, on voit que cette guéguerre et c'est pas cool. Mais on peut dire que c'est des mecs aussi qui sont entiers et honnêtes. Ils ont pas envie de faire semblant. Mais les gens n'ont pas envie d'avoir ça, enfin. Mais tu vois pas qu'elle saigne du nez, mais tellement elle en a marre. Mais je sais pas, il y a tellement de problèmes en France, on s'en fout de votre guéguerre. Faites des trucs cool, positifs, arrêtez de vous cracher dessus. Merde. Ça, c'est typique à la télé, parce qu'en radio, par exemple, il y a pas, ou très très peu. Mais c'est vrai que entre la concurrence, par exemple, on se fait pas des pics, etc. Bah, nous, on le fait en off. Nous, on le fait beaucoup, mais pas à l'antenne. Non, pas à l'antenne. Alors, en même temps, à l'antenne, ça fait pitié de le faire. Franchement, ça fait pitié, mais après, on est humain. C'est-à-dire que s'il y a des idées qui sont volées ou des copiages et tout, on va être les premiers à dire pourquoi ils ont fait ça. Mais après, c'est comme ça, c'est le jeu, et ça, c'est dans tous les corps de métier. À l'antenne, c'est. Mais c'est nul. Et puis, honnêtement, ça n'intéresse pas les gens. Voilà, je sais que Cyril Hanouna et Arthur n'écoutent pas forcément cette émission, mais je vous le dis, ça n'intéresse pas les gens. Tu sais quoi, ma main coupée, que ça va leur venir aux oreilles cette histoire. Voilà le bras long, hein. Demain matin, Hanouna, il va aller chercher son pain à la boulangerie. Qu'est-ce qu'elle va lui dire à la boulangère? T'as entendu hier, 23h34 sur Fun Radio. Je crois que je viens de recevoir une alerte Morandini, c'est déjà sorti. Et si un jour on peut avoir les deux en même temps dans le night show, putain, on est bon. Attendez, vous savez qu'il y aura deux énormes alertes qui vont sortir demain. Quoi? Genre, le night show a parlé d'Hanouna et d'Arthur. Et Soprano, vol des myrtilles. Ouais. Oh, les exclus du soir, quoi. Truc de ouf. Amir, tu veux bitcher sur quoi, toi, ce soir? Alors, moi, c'est les gens qui sont pas propres. Oh, bah d'accord. Alors, lui, on est sur un problème général. Il avait pas d'idée, le gars. Moi, j'ai envie de bitcher sur la guerre. Ouais, moi, sur les gens qui sont méchants. Méchants chats. Les trucs de télé, radio, les médias, etc. Je m'en tape, moi. Je m'en fous complètement. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Les gens, laisse-les tranquilles, les gens qui sont pas propres. Mais moi, les gens qui sont composés à 100% des cheveux d'Enzo, ça me rend dingue. Oh non. Oh. Arrête, mec. En plus, il a fait du foot tout l'après, mec. Enzo, des cheveux. Non, mais même lui, il le dit. Moi, je préfère avoir des cheveux gras que des sourcils, comme ça. Ouais. Bim. Ce qu'il y a. La punchline, elle est haute. Mais les gens pas propres, quoi, les gens qui sentent mauvais. Non, mais en vrai, il y a des gens, par exemple, le matin, ils se lèvent, ils vont peut-être, tu vois, au minimum se brosser les dents, puis ensuite, après, ils vont pas faire de petite douche, et ils arrivent au taf, ils ont une espèce de petite odeur. Enfin, vous savez, la transpiration de la nuit, on la sent, celle-ci. La transpi de la nuit, c'est la pire. Hein. Elle est lourde, celle-ci. La transpi de la nuit, elle est imprégnée à l'intérieur de tes pores. Ouais, elle colle là dans les coudes là quand tu elle fermes. Colle, ça. Elle colle. Et j'ai découvert un truc extraordinaire aujourd'hui. Anso, elle sue des cheveux, mon pote, quand elle fait du sport. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'en gros, toute la sueur de mon corps est dans ma tête. T'as vu ses cheveux, comment ils étaient trempés tout à l'heure, Amir? Moi, je suis trempée, ouais. Mais quand j'ai peur aussi, c'est comme ça. C'était un truc de ouf. Ah, c'est vrai que c'est. J'ai pas fait gaffe, mais effectivement. Ah, c'était impressionnant. Sur la vidéo, tout ce qui est glamour. Amour et amour propre. Un robinet. Mehdi de Paris est avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe et salut à tous les auditeurs. Salut. C'est bien fait ça Mehdi. Alors, je vais bitcher sur quoi toi? Eh ben, ce soir je vais bitcher sur un truc qui me saoule, mais vraiment, et je pense que je suis pas le seul. Je parle bien sûr des filtres Snap. Ça devient saoulant. Ah ouais. Et pourquoi? Genre, Bah, je sais pas, genre tous ces filtres là avec le petit chien et tout ça, j'en reçois tous les jours et grave, c'est grave souvent. On dirait les gens, ils je sais pas comment t'expliquer, genre ils assument pas leur tête, ouais, quoi. Ils se cachent par des trucs de chiens, des grosses têtes et tout. Du coup, quand je les vois, bah, je les reconnais plus, quoi. Mais alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Mehdi, sur les filtres. Par contre, moi, je reconnais un truc à Snap, il se renouvelle vachement. C'est-à-dire que contrairement aux autres réseaux sociaux, à chaque fois, ils sortent des nouveaux filtres, mais quasiment toutes les semaines. Et je trouve ça hyper cool. Et en plus, attends, ils te mettent en valeur, certains. Grave, il y en a un nouveau qui est sorti aujourd'hui, c'est en noir et blanc, où ça te met des rouges à lèvres et des, oui, fossiles et tout, qui, ouais, est hyper chouette. J'en ai fait un tout à l'heure, d'ailleurs. C'est pour les meufs. C'est pour les meufs, ouais, mais ils chambent. Mec, fais-en un, je peux crever de rire. Bah ouais, non, moi, j'aime bien. Quand tu vois le prix d'un seul filtre, ça coûte à peu près, il me semble, 700 000 euros, 700 millions, un truc comme ça, j'ai pas combien. Mais genre, c'est hyper cher le fil, donc du coup, c'est pour ça qu'ils abusent un peu dessus, mais c'est saoulant, quoi. Du, ouais, coup, mais tu payes pas, toi, mec, bah oui. Ouais, tu sais, pour eux, c'est que dalle, hein, 700 000 euros. Hein. Ouais, c'est que dalle, mais bon, c'est saoulant, je sais pas, genre, tous nos potes, ils envoient, ouais, ça, des filtres, et du coup, ça devient chiant. Ah, celui qui me rend fou, c'est le chien, il commence à me. Ouais, non, il est. Et moi aussi. C'est Ludovic qui a sorti une vidéo là-dessus sur le filtre chien, tu sais. Les jeunes et les filtres Snap, elle est énorme. On le voit dans le métro et on le voit dans la vraie vie quand ils s'imaginent en train de faire un Snap. Ah oui, ouais, c'est vrai. Elle est archi drôle, allez la voir. Voilà, Mehdi, bah, c'est passé. Ouais. Ben voilà, et du coup, là, la dernière mise à jour, je sais pas si vous l'avez vu, mais aussi, con gros coup de gueule, c'est de la merde. Bah non, la je te dis. Mais la dernière mise à jour, là de ce soir là. Ah, j'ai pas pourquoi vu. Quoi, il y a eu quoi de nouveau? Ah ben bah, genre il y a genre je sais pas, le design, il est pas pareil, ils nous cassent la tête avec leur Discovery là. Ah, ah ouais, c'est vrai, c'est les stories et Discover, ouais, font peau neuve. Ouais, bah bon, ouais, courage, hein, bon courage dans ta, ah, vie. Ah putain, puis c'est cool. Un petit filtre le Night Show Mario Land, ça pourrait être pas chiant, bête. Ah ouais. Pas bête. On va y réfléchir. Merci de m'avoir mis sur la mise à jour, parce que je viens de voir que j'ai une mise à jour Tinder aussi. ça peut toujours être cool. Un petit kiff aussi, est-ce que je pourrais avoir une dédicace de Mano à l'arrière? Bah, oui. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Vas-y, Mano. Une dédicace comme ça, j'ai envie de me faire kiffer parce que je t'aime bien. Ah bah, merci beaucoup. Dis-lui, voilà, bonsoir, Mehdi. Merci, Mehdi. Je t'adore, Mehdi. Bah, merci, Mehdi. Je t'enverrai un petit truc, une dédicace aussi sur un papier. Ouais. Et tu pourras accrocher. Ça fait plaisir. Entends-moi, ce Mehdi. Bisous. Bisous. Bisous, ciao. Mano, pendant qu'on te tient, sur quoi t'aimerais bien bitcher, toi? Surprends-nous, vas-y. Ah, oh bah, moi. J'en étais sûr. Ah, non, mais attends. moi, je prends des trains ce week-end. Voilà. Et tu sais pas à l'avance si ça va partir, si ça va pas partir. Ouais, c'est relou. C'est vrai que là, ça commence à devenir long et chiant. La grève de Milan, quoi. Parfois, ils font pas grève et donc ton train va partir et puis ils se mettent sur les voies un petit peu plus loin. Donc, ouais, en fait, t'es content, ton train il part et puis en fait, au bout de 10 mètres, bon bah non. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sa mère. Et tu vas où? Je vais à Nantes, Souken. Ok. Et en plus, ça fait 15 jours qu'il a pas vu sa meuf, les gars, donc il a les dents, mais il est comme ça, quoi. 3 semaines, ouais, c'est plus les couilles. 3 semaines, il en peut plus, quoi. Mais alors, attends, ça veut dire que si tu pars pas ce week-end, on est encore sur. Sous l'oreiller, quoi. Ouais, bah, non, non, mais je vais partir, mais. En ça fait, le truc. Derrière l'oreille, peut-être. Ouais, ah oui, sous l'oreiller. Derrière l'oreille. Mais ça marche aussi sous l'oreiller. Dire sous le paletot. C'est vrai que ça se dit pas, ça. Donc voilà, hein, qui règlent leur conflit avec le gouvernement, ça suffit maintenant. Hein. Bah, merci, tu sais quoi, Mano. Je te propose d'appeler immédiatement le gouvernement. Allez, c'est parti. Mais moi, j'adore quand Mano y bitch parce que franchement, ça fait peur. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Pavé dans la mare. Il y a Sylvie de Lyon qui est avec nous. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, tout le monde. Ça va, Sylvie? Ça va, mais je suis pas d'accord avec le bitch de Mano. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que je travaille à la SNCF, donc je suis pas d'accord. Mais aïe, voilà. Ouais, mais alors. Et je fais grève. Bon. On n'est pas sur France Inter, mais tu seras d'accord avec nous. C'est un peu chiant quand même, toutes ces grèves, pour nous qui n'avons rien fait, pauvres citoyens, et qui vraiment ont envie de voyager. Et c'est surtout. Surtout très chiant pour nous, Marion, qui ne prenons pas le train. Voilà. Bah si, moi je prends le métro, tout ça. Mais le métro, mec, il roule, je prends tous les jours. Sinon, mon but, c'était tout simplement, j'en ai marre parce que dans Game of Thrones, il n'y a pas assez de cul dans cette nouvelle saison. En fait. Ah, je suis d'accord. Ah ouais. Il se passe rien. Si c'est ça le problème, va sur Jackie et Michel. Hein. Non, parce que. Franchement. Non, mais par rapport aux autres saisons, il y en avait plus, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, c'est un ingrédient phare de Game of Thrones, hein, le cul. Franchement, ouais. Les scènes un peu trash comme ça qui te surprennent. Et là, cette saison, bah déjà, elle est décevante. Moi, je suis désolée, j'ai revu là, l'épisode d'avant-hier ou d'hier. Elle est décevante, cette saison. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas de cul. Il n'y a pas de cul. Alors attendez, parce que justement, Game of Thrones, là, moi je regarde pas et c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. Donc tout le monde m'a dit, mais si, tu vas voir, c'est génial, il y a du cul et tout machin. Ouais, y a du sauf cul. Que là, j'ai l'impression, parce que là, toute l'équipe, vous êtes en train de regarder en même temps que ce qui est diffusé aux États-Unis. Ouais. Et j'ai l'impression que tous ceux que je côtoie dans le bureau, mes potes aussi en dehors, tout le monde est ultra déçu. Ouais. Bah ouais, ah ouais, je te confirme, là ça fait 3 épisodes. Il y a eu des bons épisodes, mais là les 3 derniers, ils sont plus que moyens, il se passe rien. Ça concerne des personnages qu'on aime moins, auxquels on est moins attaché en fait, parce que tu t'attaches vite dans Game of Thrones, tout ce qui est Jon Snow, tout ça. Et du coup, bah là, non, on n'y est pas quoi. Pas de baston, pas de cul, pas d'inceste, pas de tout ça quoi. Ah bah oui, puis l'inceste est très important. Bah dans Game of Thrones, oui. Donc voilà, donc on est un peu sur notre fin quoi. Bon, donc Sylvie, dis Sylvie, t'es ronchon quoi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir du cul. Ah oui, carrément quoi. Elle est géniale. Bon bah, tu sais quoi, reste à l'écoute du Night Show parce que dans quelques minutes, on va parler cul. Super. Ça va te plaire, chérie. Et okay, vous savez de quoi on va parler? On va parler des trucs un peu crado, un peu salace que vous faites au lit. Pas un peu crado. On va parler du truc le plus salace que vous n'ayez jamais fait au lit. Le truc le plus ouf quoi. Voilà. Est-ce que t'as fait un truc salace toi, Sylvie? Comment? Est-ce que t'as fait un truc bien salace au lit déjà une fois? Oui. Bah vas-y, dis-nous. Disons que j'étais avec deux couples, on était quatre, et en fait ça a dégénéré, et voilà. D'accord. Mais okay. Ça a dégénéré. D'accord, c'est-à-dire que vous avez fait une partouze quoi? Non, on s'est un peu mélangé, et on a changé de copains. Mais qu'est-ce qui était dégueulasse du coup? Bah ouais. Qu'est-ce qui était salace? Ce qui était bien dégueulasse. Quand il y avait le gars qui était allongé pendant que sa copine était en train de, enfin, c'est un gros mélange de petits trains quoi, on faisait un petit train. Oh ah ouais, elle alternait les tubs. Ouais. Bon, bah. C'est voilà. Ça. Le mec était allongé, moi j'étais en train de sucer le mec pendant que la nana était en train de brouter le minou. Ah d'accord. On a compris. Mais ça y est, Sylvie, on a compris. Voilà, toi tu bosses à la SNCF, donc tu dis je vais faire le petit train en toutes circonstances. J'ai l'image là les gars. On a bien compris Sylvie. Eh bien écoute, on t'embrasse et bisous à tout ce qui est train. Bisous à toi. Venez nous raconter comme Sylvie le truc le plus salace que vous ayez tenté au lit là. 01 42 48 5000. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes. Et profitez d'offres exceptionnelles. En ce moment, pour l'achat d'une console Xbox One, Micromania vous offre jusqu'à 165 euros de bons d'achat à valoir sur l'intégralité des magasins et sur micromania.fr. Dépêchez-vous, c'est maintenant en exclusivité chez Micromania. Offre valable du 6 au 20 juin 2016 dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio présente... Bruno dans ton club, à la discothèque Le Loft à Nantes. Vendredi soir, venez faire la teuf sur le meilleur du son dance floor. Salut, c'est Bruno, je vous donne rendez-vous vendredi pour une soirée de malade avec Elliot. Eh ouais, je serai au platine. T'es sûr? Bah ouais. Bruno dans ton club, au Loft à Nantes. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Et je compte sur vous, hein, à vendredi. Plus d'infos sur funnight.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Voilà, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Come on. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. More music now. Le son dance floor. When you're mad, when I am mad, at the boy I'm out to what? And I say all day, I'm doing better. bun bun. Heaven, this is buns bun. Dun dun. Bet you wanna taste it. Bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chit to dun dun. Dun. Bun bun. Effectivement, 23h50, on parle Yonf dans le Night Show avec cette question qu'on avait envie de vous poser. Je vous rassure, vous pouvez passer en anonyme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même dénoncer des potes, genre dire « Moi, j'ai un copain qui a fait, si jamais on n'assume pas trop. Voilà. » Voilà, c'est ça, vous pouvez aussi donner son adresse. La question, c'est la suivante. Quel est le truc le plus salace, le plus trash, le plus terrible que vous avez pu faire niveau cul? Voilà, une fois dans votre vie, plusieurs fois, n'importe, même si c'était il y a 4, 5, 6 ans. On s'en fout, on veut de l'anecdote et j'aimerais quand même commencer par celle qui nous a inspiré ce sujet. Anso, qui a une belle anecdote, un truc qui lui arrive. Alors Anso, tu peux passer en anonyme, je te rassure. Non mais en plus je l'assume plus, j'avais pas du tout envie d'en parler à l'antenne, c'était horrible. Vas-y, dis-le, mais tu dis que voilà, c'est de manière éphémère évidemment. Non mais évidemment que ça, déjà c'est de manière éphémère, ça m'est arrivé que deux fois avec cette même personne. Mais alors c'était dans un cadre particulier et puis ouais, on vas-y. Est proche avec ouais. cette personne donc pense. Bah, voilà, il m'a craché dans la bouche. Ouais. Et ben j'ai pas trouvé ça si désagréable que ça. Alors, tu vois, je trouve que c'est pas si horrible que ça. En fait, j'arrive pas à t'imaginer faire ça parce que c'est quand même trash quoi, se faire cracher dans la bouche. Je sais pas. Je vois pas l'intérêt et le kiff que tu peux ressentir. T'as fait des bulles ou Non, mais en fait, elle lui a recraché dessus, tu sais. En fait, on n'a pas couché ensemble, on a fait une grosse bataille de crachats. Non, non, mais après, il y a d'autres trucs qui se passent. Non, mais attends. Mais genre quoi ? Non, mais attends, d'autres trucs qui se passent. Excusez-nous, il faut que je comprenne. Est-ce que tu attends la bouche ouverte comme ça, qui te crache dedans, ou est-ce que c'est pendant qu'il t'embrasse, en il fait un petit molar ? Il t'embrasse. Non, mais déjà, c'est pas un molar, il te crache pas un molar. C'est cracher des la salive. Oui, oui. Ah, vraiment cracher. Mais oui, c'est pas cracher le. Bah non. Bah non, ça c'est normal, Amir. Non. Non, non, et en fait, il te prend la tête et puis il te ouvre la bouche, tu vois, ça. Ah ouais, la bouche. C'est un vrai délire de soumission. Et c'était un complètement glaire, un délire de soumission. Salive, salive, c'est tout. Mais oui. Complètement salive. C'était un peu... Mais en plus, la salive, c'est un... Ah, c'est un goût. Bah, ouais. Alors peut-être parce que c'est lui et que je l'aime bien, mais en tout cas, c'était kiffant. Et toi, tu l'as déjà fait à l'inverse, lui cracher non, dans la bouche? Non, je l'ai pas fait, non. Ni non, lui cracher sur aucune partie du corps. Non. Anne-Sophie Supio, écoute-moi bien. Tu seras une putain de belle milf. Mais elle est déjà une milf, hein, je t'explique. Ah ouais, non, mais c'est pas une milf, les gars, une milf, c'est Mother, like to fuck. Ouais, mais. D'où j'ai un enfant. Oui, non, c'est mais... vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est déjà un très bon coup, Anne Sophie. Ouais, franchement, que, tu elle, donnes. Hein. Elle est libérée, quoi. Elle ose tout faire. Bah, mais vous ouverte, savez hein. pas, vous savez pas. Bah, excuse-nous, tu te fais cracher dans la bouche. C'est un petit indice, quand même. Non, mais franchement, moi, c'est un truc que je conseille quand t'es vraiment à deux ou que t'as une vraie complicité. Un vrai truc, un lien avec cette personne que j'avais vu que deux fois dans ma vie. Mais c'est clair. On est en train de parler d'un gars que t'as rencontré sur Tinder et avec qui t'as couché 3 fois. Et il t'a craché dessus, le bâtard. Mais oui, mais c'est un truc, on en avait parlé et tout, tu vois. Ah d'accord, mais c'est quoi la prochaine étape? Ah bah attends. Ah bah il va lui chier dessus. Ouais. Non, non, arrête. Pardon, Amir. Non, mais je suis libérée, mais pas à ce niveau-là. Tout ce qui est scato et tout, c'est pas mon délire. Ah non, là, ça va trop loin. Non, non, ça va trop loin. Bon, bah ok, merci Anso pour ton honnêteté. Et vous allez me causer des problèmes avec ma famille quand même. Bah, je te jure, c'est sûr. Oh, bah, Betty, peut-être qu'elle se fait cracher dessus aussi. Arrête, Marion. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Attends. Maman, toi et moi, on est comme ça. Il y a Alex de Tourcoing qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Alex. Salut, le Nord. Salut, Marion. Salut, Anso. Salut, toute l'équipe. Vous allez bien? Ouais, oui. Salut, toi. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, vas-y, raconte-nous, lâche-toi, le truc le plus salace que t'aies pu faire, toi, c'était quoi? Bon, alors, me jugez pas, mais j'ai godé ma meuf avec un légume et je vais manger après. Bah là, comme ça, je te juge un peu. Ah bah écoute. Je rigole. Ah ouais, mais alors, c'était quoi comme légume? C'est une carotte. Donc, on restait dans le thème, quoi. Mais tu l'as pelé quand même? Non, non, direct dans le bouillon, du producteur au consommateur, direct. Ah, mais t'as mis une capote sur la carotte? Bah non, comme ça. Mais faut mettre des capotes sur la carotte. Non, mais c'est dangereux même pour elle, t'imagines, c'est sale. Tu bah, il l'a lavé avant. Pour la mettre dans ton. Il l'a lavé avant. Quand même. Ah oui, oui. Pas non plus, je l'ai pas prise de la terre et j'ai mis dedans, direct. Non, quand même pas. Tu t'empoisonnes pas avec une carotte lavée non plus, faut arrêter. Oui, non plus, quand même. Je suis désolée, je veux bien protection, on va quand même pas vous pousser le vis à mettre une capote sur une carotte pour masturber la personne. Enfin là, ça va quand même Mais qui pense à un moment donné, tiens, une carotte, je vais lui foutre dans le vagin, quoi. Il y a tellement de trucs qui se font, je suis désolée. Dit, moi je vous l'avais déjà dit, mais j'avais rencontré un mec que j'ai jamais, enfin avec qui c'est jamais passé ça, mais qui voulait absolument qu'on fasse des trucs avec un concombre. Oui, c'est vrai. Donc comme quoi, les légumes peuvent exciter certaines personnes. Ouais. Et alors du coup, Alex, c'est un truc que tu vas refaire ou pas? Bah franchement, pourquoi pas. En plus, j'ai une petite ratatouille à faire dans la semaine. C'est con, mec. Pourquoi pas. Putain, t'es con. On invite à manger d'ailleurs, vous êtes tous invités. Ça marche. À bientôt. On t'embrasse très fort, Alex. Bonne soirée, bisous les filles, salut. Bisous. Marion, c'est quoi le truc, toi, le plus salace que t'aies pu faire, Oli? Non, alors moi, honnêtement, je sais pas. Je vais pas te mentir, j'ai pas une anecdote comme ça qui pourrait te faire kiffer, mais j'ai une amie qui a déjà fait une sorte de gargarisme avec... Mais quoi, du bain de bouche? Non. Du coca? Non. Mano, t'as pas un indice pour elle? Un truc qui... Voilà. Ah, avec du Mosper? Ouais. Ah. Tu vois, tout ce qui est... bah ouais. Mais pourquoi? Je sais pas, pour rire, pour la vanne, quoi. Elle s'est dit, oh, je vais amuser la galerie. Elle a fait ça, mais c'est une fille, très bien. D'accord. Mais en revanche, bon, Mosper, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire sperme. Ouais. Mais du coup, c'est marrant que tu connaisses autant d'infos. C'est toujours cette fameuse copine. Ouais, c'est fou, hein. Cette copine imaginaire. Bah, elle me dit tout. Oh, ouais, c'est un petit bout de femme extraordinaire. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a Lucie, là, de Reims, qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le mot gargarisme, remarque. Bah, c'est genre une sorte de bain de bouche, quoi. Tu fais du. Comme ça, c'est ça, pas, au fond de la gorge, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bah, si, voilà. Tu t'amuses à faire ça. Normalement, quand t'es enfant avec de l'eau, ouais. Puis bon, bah quand t'es adulte, avec d'autres trucs quoi. Il y a Lucie de Reims avec nous. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, les filles. Bonsoir, toute l'équipe. Est-ce Salut, qu'on Lucie. Est content d'être là? On est content d'être là. Allez, vends-nous du rêve, Lucie. Le truc le plus salace que t'es fait, cas, c'était quoi? Elle a une voix sexy. Moi, le truc le plus salace que j'ai fait au lit, c'est faire une fellation à mon copain après qu'il m'ait sodomisé. Aïe. Non, ouais. Ah non, mais alors ça, c'est pas possible, chérie. Le goût. Manon, il est choqué. Eh ben, très honnêtement, sur l'instant, ça m'a. Enfin, c'est. Voilà, dans l'enchaînement des choses. Ouais. Ma grande surprise, il n'y a pas de goût. Enfin, après, j'ai pas fait spécialement attention. C'est arrivé une fois. Bon, voilà, c'était dans le délire. Ouais. Voilà. Bah, après, mais, attends, si t'es propre et tout, il n'y a pas de soucis. Est-ce que t'avais. Enfin, je veux dire. Mais est-ce qu'il y avait des trucs sales? Ouais. Mais non. Non, du tout. Mais t'avais les nettoyés avant? Mais non. Mais attends, non, dans l'action. Dans le jeu de l'action, quoi. Amir, c'est dans l'action. Le plus salace, quoi. Non, mais est-ce qu'elle avait nettoyé son cul? C'est mais elle blinde. L'a dit. Mais oui, elle a nettoyé son cul. Je suis propre, quand même. Mais mec, écoute, elle dit, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Donc évidemment qu'elle est propre. La barbe. Non, mais lui. Mais Amir, c'est un gros relou avant de faire l'amour. Il faut qu'il se désinfecte absolument tout. Sous c'est ça. Et tout. Moi, c'est l'odeur, la propreté, c'est. Attends, cela dit, il a raison. Pour une sodomie réussie, il faut quand même passer par la case nettoyage. Ah, hein. Il faut le jet. Ouais, tout, effectivement. Non, mais après, voilà. Enfin, je sais que mon chéri en est friand, donc je fais quand même assez attention. Je programme pas non plus, mais je fais quand même assez attention. L'hygiène de vie, je fais attention quand même à ce que je mange. Enfin, voilà. Hey. Lui, il a la meuf parfaite, quoi. Sodomie, fellation dans la foulée, le doublé gagnant. Bim, ouais, bam, boum, quoi. Ah non, ouais, non, mais je fais super attention parce qu'en fait, il est. C'est somnambule, mais en fait, sexuellement, quoi. Ah oui! Voilà. J'ai été tombée il sur. Il est sexambule, oui. Oui, très ah souvent, bon ça lui arrive. Ah pas plus tard que samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, on est rentré de boîte de nuit, il a commencé, et au final, il s'est réveillé, allez, on va dire, 5 minutes avant la fin. Ouais, c'est il ça. Il m'a dit coucou. Il ouais. était derrière moi, en cuillère. Non. Si, si. Super. Ah ouais. Moi, ouais, je suis restée 6 ans avec un garçon qui, ça lui arrivait hyper souvent, ça. Genre, il commençait à me faire l'amour et tout, on commençait à faire l'amour. Alors, soit il oubliait tout le lendemain. Soit il se réveillait pendant l'acte en disant mais qu'est-ce qu'on fout. Mais non. Si si, je te jure. Ah, c'est angoissant. Ouais, bah, faut pas que le mec il dorme au bois de Boulogne, hein, putain. Ouais, et puis qu'il dorme avec un pote aussi. Bah, ouais. Oh mais c'est terrible, ça doit faire hyper bizarre de faire l'amour avec quelqu'un qui dort. Bah, ouais, mais c'est. Fait, mais non, mais t'en rends pas compte. Moi, ça me fait pas tellement bizarre parce que, enfin, il s'endort en cuillère derrière moi, il me protège et ça lui arrive souvent. Bon, ouais, il me chauffe un petit peu. Et c'est vrai que ça lui arrivait de pas se réveiller, en fait. Enfin, moi, je m'en apercevais pas et le lendemain, il se souvenait pas. Ouais, ouais, c'est ça. Moi aussi, bon, ça m'est là, arrivé. Il s'est réveillé. Bon, là, il y a eu une fois où il s'est pas réveillé et pourtant, il m'a sodomisé pendant qu'il dormait. Donc, je ne comprends pas comment il a fait pour pas se réveiller parce que, bon, je pense qu'il y a quand même une différence. Là, samedi, par contre, lui, il s'est réveillé. Ouais, effectivement. Il m'a dit ah bon bah coucou hein, et on a fini quoi, on s'est rendormi. Bon bah c'était, écoute, ouais, c'était profite, sympa, profite. Lucie, on t'embrasse, merci de nous avoir appelé ma chérie. Allô, bisous Lucie. Bisous ma belle, merci de nous avoir endormi comme son mec là. Ouais. C'est ça. Ah, j'aime bien ce délire, il faudra qu'on se le refasse là parce qu'il y a des appels au standard, on n'a plus le temps, minuit approche, Miko sait qu'elle est là, mais le truc le plus salace que vous avez fait au cul, on va se refaire une session bientôt. Je reçois plein de tweets de gens qui disent que je suis choquée, mais c'est pas Moi je comprends franchement. Mais c'est pas horrible ce que j'ai fait, ah, si, c'est horrible. On est deux personnes consentantes, on s'aime bien, il y a pas de problème. Puis attends, après les limites dans le cul, c'est soi-même, c'est nous qui les posons. Voilà, ce qui peut être choquant pour nous, ça n'est pas forcément pour d'autres, du moment qu'on est en accord avec soi-même et qu'on se force pas, j'ai envie de dire, ouais, tout est possible. Mais complètement, Marion. Attends, quoi. T'es complètement d'accord avec nous, Mikosé, non? Oui, bien sûr. Bah oui, est-ce qu'on te demande, toi, le truc le plus salace ou est-ce qu'on t'épargne? Tu veux, je suis en pleine discussion avec Mano, là, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, explique-nous, Mikosé, je veux savoir, oui, quelle est la chose la plus salace que tu aies fait sexuellement dans ta vie? T'as déjà oublié? Il est con. Ça me choque pas. Est-ce que c'est toi qui lui a craché dans la bouche? Non, c'est pas moi. D'accord. Bon bah le mystère restera entier sur cette personne. Non mais j'adore vos Mikado. D'accord. Oh. Quoi? Pardon. Attends, quoi? J'ai pas compris. Au Mikado? Comme l'auditrice, et je trouvais ça drôle. Derrière et dans la bouche. Ah, ça me dégoûte. Ah mais moi je croyais que t'étais premier degré, tu jouais vraiment au Mikado dans la touche. Non. Je sais pas, je trouvais ça drôle. Tu sais, genre, ah, je le touche pas. Ah, je le touche, c'est ton tour. Ça pique. Ah, quel ça doit piquer, c'est génial. Bah écoute, à tester. Bon, on va vous laisser avec Mikosé pour Party Fun, là, qui va vous ambiancer, vous faire kiffer ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h. Allez mater nos conneries sur YouTube. Marion et Anso, ça c'est le nom de la chaîne. Je vous promets que la vidéo de vendredi soir dans le Nord arrive ce soir ou demain matin. On est dessus, mais on essaie de faire un beau truc. Donc ça prend un peu de temps. Toutes les vidéos avec Sopra vont débarquer aussi là dans la foulée. Et puis bah voilà, demain c'est Bruno qui vous réveille à 6h. Et nous on va se quitter en chanson. Yes. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Oh, calme. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Mikosé Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Et c'est parti jusqu'à 1h du matin tous les soirs après le night show, juste après Marion et Anso qui vont rester quelques minutes dans le studio. On va pas partir comme ça. Ah bah on reste, on t'écoute. On est toujours là pour toi. Très bien, j'ai des mi-cadeaux, j'ai des jeux de cette famille. Ouais. J'ai 5 fruits et légumes. Que vous voulez. Allez, parti fun jusqu'à 1h du matin avec Galantis, avec Pagadix, avec Riab. Qu'est-ce qu'il y a, Pépère? Je voulais savoir si je pouvais dire welcome and board. Il me fait peur, ce mec me fait peur. Si tu veux. Ok,

Fun sur Fun Radio.